Bonjour à tous. Bonjour à tous et Je propose que ce soit le générique à vie. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Floodcast. Le 14e. Le 14e. Et... le temps passe vite. Vraiment pas. Pas du tout, vraiment, on est sur un chiffre bien moindre. Je suis très content de tous vous retrouver. Cette semaine, je suis entouré de 4 personnes comme à mon habitude. D'ailleurs, je ne suis pas vraiment entouré, parce qu'ils sont plus devant moi par rapport à l'architecture de mon appartement. Je suis accompagné en premier par Aude Gonigoubert. Bonjour Aude Gonigoubert. On applaudit. Je propose qu'on fasse des accueils smart sur, sur cette émission. Donc à chaque fois, on fera des petits applaudissements, mais qui sont sincères, mais mesurés. Très bien. Aude Gonigoubert. Je suis ravie, c'est ma première fois. Eh bien oui, bienvenue. Bienvenue Aude Gonigoubert. Donc je te présente pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas, mais j'en serais fort surpris. Aude Gonigoubert, comédienne. On te voit en ce moment même sur la chaîne Comédie Plus, oui, absolument. Chaîne du câble et du satellite. Oui, sur la grosse émission en quotidienne. La grosse émission. Voilà, et puis dans plein d'autres choses. Parce et dans, voilà. Même si c'est une quotidienne, on peut multiplier le temps et faire d'autres choses. Mais oui, donc du coup, pour faire vite fait le tour. Un bon vendeur. messieurs les censeurs. Oui, dans les autres trucs que tu fais, là récemment, il y a eu Le Trône des Frogs qui absolument. Est sorti sur Dailymotion. Mm-hmm. Mais n'hésite pas à en parler, tu le parleras tout ça mieux que moi. Ouais, donc, série de Yacine Bellous. De Yacine Bellous, dans laquelle je partage l'affiche avec Dedo, Baptiste Le Caplin et Nicolas Bernot. Entre autres, il y a plein de gens. Il y a Adrien Méniel qui passe, par exemple. Pas du tout. Non. Pas du tout. C'était une petite. Je me disais, j'ai raté l'épisode. Un petit regret. Ouais. Non. Lui, il est dans Game of Thrones, ça n'a rien à voir. Il est le sosie. Saison 12. Non, puis j'ai fait de l'âge dernièrement. Là, je vais bientôt être dans la série de Juliette Trezanini, Martin Sexe Faible. D'accord, chambé. Voilà. Et au théâtre, à partir du mois de mai, tous les jours, pendant 2 mois. Je ne sais pas quand sortira ce Floodcast, mais probablement prenez vos places. Il sort dimanche. Prends tes places. Et est-ce qu'on peut en parler? C'est quoi? Absolument, je vais être dans une pièce classique, un Goldoni, au théâtre AT20. Passe-moi les pattes, j'ai la casserole. Absolument. c'est pas loin parce que ça s'appelle Les Cuisinières. Bien joué. Les Cuisinières de Goldoni au théâtre AT20. Et ça sera tous les jours du 2 mai au 30 juin. Mais alors, Aude, tu as déjà joué dans cette pièce, me semble-t-il, l'été dernier. Tout à fait. Adrien Méniel, je l'avais joué en tournée. Il y a une connivence. Il y a une connivence qui est présente et qui est agréable à voir. Après, on passera à mon voisin probablement. Ouais. Hein, mais voilà. C'est une très belle pièce où j'ai un très beau rôle. Et accessoirement, il y a 6 anciens sociétaires de la Comédie Française dedans. Dont le dire Pierre Ninet. C'est faux. C'est complètement faux. Ouais, mais prenez vos places quand même. Prenez vos places à fond. Nous sommes aussi avec David Fontao. Oh là là. Bonsoir. Oh. Applaudissements pour quelque chose d'excellent. Monsieur Fontao, bonjour. Bonjour, bonsoir. Ah, on ne sait pas, on ne sait pas. À quelle heure vont écouter les gens. Bon dia. Voilà. Donc David, toi tu fais partie dans tes nombreuses activités, est-ce que tu fais plein d'activités différentes? Ah ouais, je suis couteau suisse. Couteau suisse, entre autres. Lederman. Sur un CV. c'est court, voilà. Si tu fais partie du groupe I Am Un Chien. Ouais, je fais partie du groupe I Am Un Chien. Tu peux peut-être nous en parler un petit peu plus, petit groupe de musique. Plutôt énervé, j'ai l'impression. On s'énerve pas mal. On n'est pas content, c'est pas pourquoi. Ouais. Petit clin d'œil aux Pixies, peut-être. Ouais, exactement. Wow. Bien joué. Oh, bah, t'es le premier qui trouve. Ouais, je suis très fier. En général, ils disent vous avez peur que même un chien. Long comme ça. Les gens sont bizarres. Ouais. Du coup, on comprend pourquoi ils ne comprennent pas la référence. Oui, ça vient des Pixies. Ouais, ça va faire 8 ans que j'ai ce groupe maintenant et qui on tourne et tout. Et à côté, je suis réalisateur, monteur et beatmaker aussi. Oh, je fais des prods. Il a tous les talents. Oh, il a énormément de casquettes. Mais dans le groupe, tu fais quoi? Je compose et je chante. Enfin, chanter, c'est tout. Il gueule, hein, on peut le dire. Hein, je suis plus MC. Le style, c'est très rock, électro, bourrin, genre Prodigy, Beastie Boys, tu vois, mélangé. Et c'est très très cool. Ça, j'aime beaucoup. Ça s'énerve tout de pas suite, mal. Un petit extrait. Non, live. C'est pas libre de droit. C'est parti. C'est pas libre de droit. J'aurais adoré en passer un extrait, mais je peux pas trop, je crois. Le mec, il est là. Il attends, donne son bien accord. Sûr, tu pourras passer tout ce que tu veux. Bien mec, sûr, le mec va porter plainte en direct. Non, tu passes pas mes sons là. C'est quoi ce délire? Où sont les contrats, la Narvalo? Et vous avez préparé peut-être un album, une tournée? Là, on est en train de composer notre premier album parce qu'on a sorti genre 3 EP en 8 ans en fait. D'accord. Et, Et on a pu tourner un peu partout, mais là on s'est dit bon, ce serait quand même pas mal, ça va faire 8 piges, tu vois, donc de faire notre premier album et d'atteindre le step un petit peu plus fat, tu vois. Yes, cool. Et voilà. Bah, alors, on est en plein dedans et je pense que ça sortira du coup 2017 ou peut-être un petit peu avant, je fais ma petite promo. Mais je vais remercier ma mère pour le... T'as raison, il y a 10 foules qui passent derrière, donc tu pourras passer un petit son si t'en, t'en as envie. Patrick Beau est avec nous également. À l'américaine. Merci. Félicitations, félicitations. Patrick Beau de la chaîne YouTube. Oui. Axolat. Tout à fait. Entre autres. Oui. Voilà, toi, tu as sorti, je crois, il n'y a pas très longtemps, une bande dessinée. Alors oui, c'était le volume 2 de la BD d'Axolat qui est sorti au mois de novembre dernier. Yes. Et là, ouais, je suis en train de préparer une nouvelle série de vidéos sur la chaîne. D'accord. Qui va s'appeler les Exoportraits. Je le dis parce que ça sort très très bientôt. Ça sort dans une semaine et demie. Excusez-moi, j'étais même pas au courant. Écoutez, bah voilà, est-ce qu'on peut dire que c'est une exclusivité ? On peut parler de scoop. Alors dans ce cas-là, je lance le jingle exclu. Exclu. Exclu. C'est l'exclu. On n'était pas du tout au courant. Exclu. Excellent jingle, je crois. Donc une exclusivité, d'accord. Une exclusivité. Donc le format sera un peu plus court que les épisodes d'Axolot, mais d'accord. Il sera mensuel. Et l'idée à chaque fois, c'est de parler d'une personne méconnue ou inconnue avec un destin extraordinaire, dans la lignée d'un petit bouquin que j'avais sorti il y a 2 ans de ça. Et on a carrément fabriqué un décor pour l'émission. Il s'appelait 20 illustres inconnus qui ont... Alors, 20 inconnus dont vous n'avez jamais entendu parler, sans doute pas 20 inconnus, parce que cette liaison n'existe pas, bien sûr. Exactement. Absolument. Moi, j'aime beaucoup que Aude dire « Ah oui, qui s'appelait machin ?» Non, mais voilà. c'est ça. Pour qu'on fasse la promo, le truc, là. C'est vrai. Acheté. Oui. Moi, je l'ai acheté dernièrement. Oh, voilà. L'oseille de la télé. Sorti aux éditions Arg, je le précise. C'est l'entrevue d'ailleurs. Pour le lancer. Joli, joli, bravo. Merci, merci. Et donc voilà, on a fabriqué un petit cabinet de curiosité en fait, pour faire le décor. Et donc ça sortira normalement en fin de semaine prochaine. Donc voilà, j'ai hâte de. Scoop. On en salive d'avance. Oh, merci. Il nous régale. Nous sommes régalés. C'est vrai que je suis plutôt régalé. Et, nous sommes avec. Bon, évidemment. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Il y a des sociétaires de la Comédie Française, il y a des sociétaires de Floodcast. Voilà. Nous sommes avec. Et le standing est le même. Exactement. Nous sommes avec Adrien Méniel. Bonsoir, merci. Ça me touche beaucoup. Adrien Méniel, comédien, auteur, oui. Sniper entre autres. Il adore qu'on le dise ça. Un petit peu de basket. Un petit peu de basketball. Tu as d'ailleurs un suite. À l'effigie des Athens, apparemment. Athens. Ah oui, c'est ça, voilà, C'est une ville. C'est une très jolie ville. Et puis en plus, vu que c'est très, très radiophonique de décrire un t-shirt, j'aime beaucoup ce moment. Tu l'as pas fait pour nous, je suis un peu déçu. Bah non, je suis désolé. Sur l'équipe féminine. C'est assez pauvre. Exact. Bien joué. Et bien voilà, puis ton actu, bah, en fait, le podcast. Depuis la semaine dernière. Voilà, c'est ça, le podcast est voué à devenir hebdomadaire. Alors, je vous promets pas, mais je vais tenter. Déjà, c'est fou, il y en a 2 d'affilée en 2 semaines, là, et ça n'a jamais eu lieu dans toute l'histoire de ce podcast. Donc voilà, donc évidemment, on n'a pas grand chose d'autre à dire Adrien et moi, parce qu'on vous voit toutes les. On vous parle toutes les semaines, donc on n'a pas grand chose à voir. Mais voilà, le tour du bagel, je suis auteur. Le sketch show Golden Moustache qui arrive, j'ai. Toujours le mec qu'on n'écoute jamais dans les films qui va revenir. Je suis bien content. On est tous très contents. Est-ce qu'on l'écoute toujours pas ? On n'écoute toujours pas. Oh là toujours là pas. Toujours pas. Toujours pas. Ouais, on pourrait peut-être relancer le jingle scoop, mais peut-être en plus rapide. Scoop. Composé par Scatman John, qui nous a quitté trop tôt. Big up à lui d'ailleurs. Il nous a laissé ce jingle. Cette émission lui sera entièrement dédiée. Exact. Je ne parlerai que en onomatopée et en scat. Bah écoutez, merci à tous d'être venus, en tout cas pour cette émission. Merci. Comme d'habitude, on fait un petit tour de table pour parler de cinéma, musique ou littérature ou autre. Culture en général, voir si jeux vous vidéo avez même. Peut-être même jeux vidéo, spectacle, théâtre, ce que vous voulez. Une petite BD. Une petite BD, tu sais. donc du coup, vous parlez de ce que vous avez vu récemment et qui vous a plu. Parce qu'on n'est pas là pour bitcher. Une musique. Une petite musique. Tu parlerais d'un son, peut-être. Un bon son. Est-ce que Patrick, tu as vu, écouté, lu quelque chose une qui peinture. T'a beaucoup plu et que tu conseilles peut-être une peinture. Alors oui, alors, pour faire plaisir à Adrien, je vais parler de réalité virtuelle. Ah bah oui. Parce que voilà, je suis beaucoup là-dedans ces derniers jours. Je dois bien avouer. Il me tanne tous les jours avec son casque. Voilà. Donc ce qui s'est passé. C'est qu'il y a quelques semaines de ça, j'ai vu une vidéo sur YouTube en 360 degrés. YouTube, le site. Exactement. Voilà. De et l'appli également, qu'on salue. Je précise. Aussi, dans, sur lequel on peut voir des vidéogrammes. Donc, voilà. Et il y avait cette vidéo dans laquelle on peut voir un tableau de Salvador Dali reconstitué en 3D et on peut se déplacer à l'intérieur et regarder à 360 degrés autour de soi. Et donc, déjà, rien que sur YouTube avec la souris, c'était extraordinaire ce truc-là. Mmh. Et donc, je me suis dit, j'ai envie de le tester avec des lunettes de réalité virtuelle, en fait, des visionneuses. Une soif d'immersion. Exactement. Et donc, j'ai commencé à chercher un petit peu ce qui se faisait. Alors, vous savez que Google fait des cardboards, des lunettes en carton ouais. qui sont des visionneuses. Mais aussi un moteur de recherche. Entre autres. Aussi. Entre autres. Moi, j'avais tenté le truc en carton, non, mais j'avais pas trouvé ça dingo, moi. Voilà, c'est pas terrible, terrible. Pas. Et donc, j'ai commencé prends à regarder. Ça dans ta gueule, Google. On peut faire des placements de produits, y a pas de problème. On s'en bat les couilles, on est payé par vraiment soucis. Personne. Donc, j'ai commencé à regarder ce qui se faisait. Et là, je découvre qu'il y a un casque qui est développé exprès pour mon téléphone. Donc, j'ai un Galaxy S6 et yes. Samsung a créé un casque qui est fait pour ce téléphone-là. Donc je me dis. Et le S7 aussi, me semble-t-il. Et le S7 ainsi que le Note 4. Voilà. Voilà. Je me dis, on essaie de voilà, ne tire pas la couverture dis, à toi. Je vais commander ce casque, bien qu'il soit légèrement plus onéreux que les visionneuses en carton, puisqu'il ouais. était à 100 euros. Donc qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Je commande le casque. Et je dis à Adrien Méniel alors, sur Facebook à Adrien, j'ai commandé une visionneuse 3D. Tu commences par à Adrien. Oui, toujours. Toujours, toujours. Pour attirer l'attention. À 100 euros. Je vais me régaler, je lui dis. Et qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit, attends, mais c'est juste pour porter le téléphone, en fait. Et là, instantanément, je lui dis, je me suis fait niquer. Donc j'ai annulé la. C'est authentique. Hein. Bah, c'est vrai. J'annule la commande. Oh, j'ai une influence énorme sur lui. Mais oui, oui. Parce que je me dis, mais il a raison en fait. Ça doit juste être une visionneuse 3D. Pourquoi je vais mettre 100 euros là-dedans. Et puis après, je me renseigne, je lis des articles parce que j'avais acheté avant même de m'enseigner. Bah oui, mais t'es un mec comme ça. Je suis un impulsif. Bah, voilà. Donc, je lis des articles et là, je découvre que ce casque, qui s'appelle donc le Gear VR, c'est le meilleur casque de réalité virtuelle en attendant l'Oculus Rift et le Vive qui sortent dans les mois à venir. Là. D'accord. Donc du coup, je le recommande, je le reçois, mais je ne m'attendais pas à un truc de fou. Mmh. Et en fait, si, c'est un truc de fou. C'est un truc de peut-être malade mental. C'est incroyable. Disons que dès que je l'ai eu sur le nez, j'ai vu le futur. Je me suis dit, on nage en pleine science-fiction. Et bah, depuis quelques semaines, c'est vrai que je regarde beaucoup de trucs sur le casque, alors, parce oui. que voilà, t'as des dizaines et des dizaines de films, de jeux vidéo, t'as des tas d'applications folles, tu peux visiter des musées, on en parlait tout à l'heure, tu peux assister à des matchs de basket, alors, de tout ouais. ce que tu veux, ils foutent des caméras sur le. Tu peux même regarder des spectacles. Il y a Anon Manoff, j'ai entendu. Démo, tu peux voir le spectacle de Anon Manoff en haut. En fait, tu restes chez toi, tu fais plus rien. Moi, j'avoue que c'est. Moi, c'est déjà ce que je fais, donc du coup. Ils sont en train de développer ça, donc là, on a vu ça à peu près sur la Nouvelle Star où tu peux. Bon, l'intérêt est relatif quand même. Tu peux quand même voir les dents de Joe Star de très très près. Moi, c'est ce qui m'a décidé perso. Matchs de foot et ils font ça sur les films porno. Ils sont en train de développer exact. Ça. Avec bah, on allait y venir. J'allais y venir, je vais pas te cacher. Très clairement, c'est le petit Saint-Quentin. J'allais y venir. Au bout de 3 secondes, il s'est branlé, on peut le dire. Au bout de 3 secondes, tu t'es masturbé. Patrick s'est branlé très très il l'a mis sur son nez, il a tout de suite. Tout de suite. Non, parce que non, mais c'est normal en même temps, t'as envie de voir ce que ça peut donner. Tu testes. Et en fait, ce qui se passe avec ce casque de réalité virtuelle, c'est qu'on peut faire exactement les mêmes trucs qu'on faisait avant, mais en mieux. Donc les jeux vidéo deviennent des expériences immersives de fou. On est totalement immergé dans l'univers quoi. Moi je sais que j'ai de plus en plus de mal à accrocher aux jeux même quand ils sont très bons parce que j'ai du mal à accrocher au réel maintenant. Non au jeu. À la vraie vie. Est-ce que c'est pas ça la prochaine étape, c'est ça le problème. Moi ça me fait peur. Je te le cache pas parce que c'est un peu badant. Là c'est que le début et c'est déjà fou. Donc d'ici un an ou deux, ça va être incroyable, on va faire un peu la différence avec on ira plus au ciné, on y fera plus. Je crois que c'est ce que oui, mais c'est marrant que tu dis ça David qu'on ira plus au ciné parce que c'est ce que m'a dit Patrick, il m'a envoyé un texto pour me dire il y a une application voilà. Il y a une application qui te permet de voir des films. Tu choisis ta salle de cinéma, ça c'est incroyable. Donc t'as le choix entre plusieurs vidéos. Putain. Tu peux regarder des vidéos sur Vimeo, sur ce que tu veux, et tu choisis ta salle de cinéma. Donc tu peux prendre une salle classique ou tu peux aller sur la lune, et donc t'es sur la putain de lune quoi. On peut aller sur la lune, ma gueule. Oui, mais là en fait c'est comme pour Netflix. Ah, la soirée, tu fais une soirée amoureuse, tu vas aller sur la lune et tout, d'esprit là. Mais c'est ton casque Demolition Man, mais quand ils font l'amour avec les casques et tout là. Mais oui, mais c'est ça. Mais t'as une salle de cinéma où t'es réduit à l'échelle d'une fourmi, autour de toi il y a une canette géante et le film est diffusé sur un téléphone géant. Et par exemple, pour Netflix. Tu te retrouves dans un salon virtuel. Attends, non, mais vous pouvez tester après, vous comprendrez le truc. Voilà, rien qu'une appli comme Netflix déjà. Ouais. tu lances l'appli et là tu te retrouves dans une espèce de maison d'architecte de ouf, dans un salon immense. Tu regardes sur la droite, il y a des montagnes à la fenêtre, et tu peux regarder tes séries et tes films comme si tu regardais Netflix, sauf que tu as l'impression d'être un milliardaire. D'accord. C'est assez ouf. Mais en même temps, c'est une appli qui détourne l'attention de l'œuvre. Voilà. Quel est l'intérêt quand on est déjà milliardaire? Voilà, oh, ouais, déjà il y a ça. La téloge, comme il dit, plus d'oseille dans la poche. les photos, c'est incroyable. T'as un truc de photos à 360, tu peux te retrouver au cœur de n'importe quel paysage. Alors, et c'est vraiment l'expérience à mi-chemin entre regarder une photo et se retrouver sur place. Ah ouais. C'est plusieurs paysages, dont Mars. Tu peux aller sur Mars, tu peux aller où tu veux. Ah oui, j'avoue, pas mal. Il y a un potentiel infini pour des trucs. Tu peux aller à Aulnay-sous-Bois ou pas? Et oui, et tu sais pourquoi? Tu peux aller sur Robinson. Parce qu'il y a Street View sur le truc. Ah, donc d'accord. Tu peux rentrer n'importe quelle adresse et tu te retrouves. Bah, je l'achète. Sur place, quoi. Je l'achète. Ça, là, c'est bon. Vraiment immergé dans le truc. Et par exemple, tu as une appli d'astronomie. Oh là là. Ça défonce, ça parce défonce, que ça. Tu te retrouves au milieu du système solaire. Ah bah oui, ça tue. Et là, ça. Tout autour de toi, t'as les étoiles, les planètes. Tu choisis la planète qui t'intéresse et tu te retrouves téléporté au-dessus de la planète. Stargate. Et donc, il faut voir que t'es vraiment au-dessus, quoi. Elle est énorme en dessous de toi. C'est des images de synthèse ou c'est des images. C'est de la 3D. D'accord. Mais t'as. J'aime beaucoup. Donc t'as des films. Non, vraiment, c'est magnifique. Et t'as des films en prise de vue réelle. Et il y a notamment une série qui a été produite par Samsung qui s'appelle Gone, qui est un peu dans l'esprit de True Detective. Et là, c'est filmé en prise de vue réelle. Et en fait, tu te retrouves dans un univers à 360 degrés, donc, et tu peux regarder la série un peu comme bon te semble. Et ce qui est intéressant, c'est que personne ne verra la série de la même manière. Et il y a toute une espèce de grammaire cinématographique à réinventer, en fait. À redéfinir, ouais. Voilà. Mmh. Parce que t'as un jeu, par exemple, qui s'appelle Sisters, qui est un jeu d'horreur. D'accord. Et c'est probablement le truc le plus effrayant que j'ai vu ces dernières années parce que c'est beaucoup beaucoup plus flippant qu'un simple film vu que plus que Saw 2 t'es dans le truc plus facile, que la montée du facile. Front National. Ouh. Wow. Oh joli. Ouais, bah, moi je vous ramène les pieds sur Terre là. Pour décrire ce petit truc. On était dans l'espace, moi je vous ramène sur Terre, les mecs. Bah, bien joué, bien joué. Donc t'es assis dans un canapé au milieu d'un manoir assez flippant, et en fait, tu regardes autour de toi et tu déclenches des actions en fonction de ce que tu regardes. Donc t'as des poupées sur une cheminée, t'as une télé qui fait de la neige et qui se met à diffuser des images cheloues. Et puis j'adore. Tu retournes derrière toi. Et là. Et derrière le canapé, et ce qui est fou, c'est que donc, tu fais le mouvement et en plus t'es sur ton canapé quand tu le fais. Donc une immersion totale. Oui, t'as touché, voilà. C'est ouf, et tu te retournes. Et il y a Anne Roumanoff. Et là, donc, il y a une nana qui est au fond de la pièce, et puis qui tout à coup se retrouve devant tes yeux. Donc, c'est le jumpscare classique qu'on a vu 2000 fois. Oui. Sauf que là, bah, t'es dedans, ouais. Tu cries. Moi, personnellement, j'ai perdu toute dignité. J'ai crié comme une petite catin. J'ai pas peur de le dire. Tu as même uriné. J'ai eu très peur. J'ai enlevé le casque et j'ai arrêté. Et j'ai fait essayer à plusieurs amis, et tout le monde réagit de la même manière parce que ton cerveau y croit. T'as beau te dire que c'est faux, tu sais que et c'est faux, ouais. Mais le cerveau est dupe et donc c'est très impressionnant. Il y a pas des gens qui risquent de switcher et genre de péter un câble et de se jeter par la fenêtre avec ce truc-là? Genre ils sont, je sais pas, ils sont rangés. Long métrage de Flaubert. Ils sont genre dans un jeu où faut que tu voles, tu vois, et ils se jettent, je sais pas, j'en sais rien. Alors je vais te dire, là, ce casque-là, c'est vraiment le début. Hein. C'est déjà ouf, mais c'est le début. Ouais. Ce qui fait que il y a pas de détection de ta position dans l'espace. Oui. Mais avec l'Oculus Rift et avec le Vive, donc tu peux placer des capteurs dans la pièce où tu te trouves, et les mouvements que tu fais dans le monde réel sont retranscrits dans la réalité virtuelle. Ce qui fait que tu peux te déplacer et tu peux bouger la tête, tu peux bouger les mains. Il y a des gants qui sont connectés au truc et qui te permettent de voir tes mains. L'appareil sait où se trouvent tes mains et tu peux interagir avec l'univers virtuel comme tu le ferais avec l'univers réel. Mm-hmm. Ils ont sorti une démo d'escalade. Donc t'es sur une falaise, déjà tu regardes autour de toi, t'as vraiment l'impression d'y être, et tu cherches les prises et tu t'accroches vraiment comme ça, et c'est retranscrit dans le truc. Alors pour le moment, la résolution... T'as pas les sensas d'une bonne escalade. Ouais, mais au moins tu suis pas. Quand tu vois une meuf escalade, tu peux pas l'aimer. Ah, tu vois, mecs qui peuvent tomber amoureux, quoi. Mais alors. Et c'est heure, mon pote. Attends, mais t'as des regarde. Il y croit. Eh, hey, t'as raison, Flaubert, c'est il y croit. T'as des applis, je sais pas si vous vous rappelez de Second Life. Bien sûr. Voilà. Donc t'as des applis un petit peu à la Second Life. Donc c'est des salons virtuels où tu te retrouves avec des vraies personnes qui ont un casque de leur côté, et donc tu peux discuter avec des gens qui sont à des centaines de kilomètres de chez toi, comme si t'étais dans la même pièce. Ça peut être pas mal, ouais. Enfin bon. Tu peux jouer, tu peux regarder des films. Ouais, bah justement, avec les gants, tu peux leur mettre des watts, mon pote. Il y a la meuf, elle est au Chili, tu lui mets des watts. Mais c'est vrai. La plus grosse bite du monde, frère. Au Chili ou Honduras, tu peux imaginer beaucoup de pays. Et c'est vrai qu'il y a forcément des déclinaisons porno. Et donc pour en arriver. Alors voilà, parce que bon, toute cette intro était sympathique. Voilà, on va quand même parler de la base. Pour en arriver au cœur du truc, très clairement, après avoir vu le premier porno en réalité virtuelle sur le casque, je me suis dit que le porno classique ne pouvait pas survivre. Parce mais que le sexe en tout en général, c'est ça. Moi vraiment, Demolition Man. Pas jusque là, mais. Donc, j'ai téléchargé, évidemment, pour la science, etc. Ouais, donc, une démo gratuite. C'était quoi le titre du film ? Special Gift. Ouais. Et donc, t'es dans une pièce à 360, tu regardes tout autour de toi. Et alors que qui baisse sur un lit, quoi. Non, c'est toi, en fait. T'es à la place du mec. T'es à la place du mec. Et ce qui est très troublant, c'est que donc, la fille... comme si elle flirtait avec toi, etc. Et comme ou le mec, parce que tu peux choisir dans quelle position tu te trouves. Est-ce que t'es la fille ou est-ce que t'es la nana ou le mec. Ah, et on sait où t'étais. et donc le truc, c'est que le cerveau réagit un petit peu comme si c'était réel. Donc des fois, c'est troublant. Tu vois, t'as presque envie de dire, mais qu'est-ce que vous faites chez moi, c'est un peu spécial. Et la plupart des films. Et comment tu la strangules ou tu la... Enfin, je sais pas, non, c'est des trucs de base. C'est trop court, c'était juste une démo, donc du coup, j'ai pas... Mais c'est ça qui compte, faire une démo, c'est débile, autant. Bah, c'est pour donner envie de télécharger le truc complet. Ah oui, je précise que la plupart des pornos ont un angle de vue de 180 degrés, parce que la justification, c'est que... Tu vois l'équipe. Ce serait... non, c'est que ce serait stupide de télécharger un porno et de regarder... autour de ce qui se passe, quoi. Écoute, Patrick, c'est ce que je fais à chaque relation sexuelle personnellement pour ne pas jouer trop vite. Voilà. Je me concentre sur un coin de table. La même, frère. Là, tu peux le faire. Alors, ce qui est très drôle aussi, c'est que si tu télécharges un porno qui est pas adapté à ton appareil, c'est légèrement déformé, ce qui fait que, par exemple, donc j'en ai testé un où il y avait une fille qui devait mesurer dans les 4-5 mètres de haut. Ah, ça et donc tu regardes comme si c'était une montagne, quoi. Donc ça peut être assez drôle. Selon la manière dont c'est réglé. Ça va réussir à créer d'autres fantasmes chelous chez les gens. D'où l'application que tu rajoutes de l'escalade. Voilà. Exactement. Voilà. Exactement, c'est tout à fait ça. Tu t'accroches à ses gougouttes, à la meuf. Aïe, aïe, aïe. Mais j'adore, putain. Mais alors, c'est un moment de film, ça gougoute, tu vois, genre... Est-ce qu'ils vont pas créer un truc... Parce qu'on adore le sexe ici, vous le savez. Ben oui. Un truc qui relie directement le Samsung machin ou Oculus Rift à une vaginette ou un god ou un. Alors oui, mais ça existe déjà. Ça existe déjà. Quand tu vas sur le site en question où j'ai téléchargé la démo là, qui s'appelle Virtual. Il s'appelle Q.com. Exactement. Des droits au truc. En dessous des films, il y a la liste de compatibilité des sextoys. D'accord. Et donc il y a un sextoy qui est conçu pour ça, quoi, en fait. Tu places le truc et ça peut. Là, j'achète, là. Ça te permet d'interagir avec une personne qui a des. Et aussi, un truc sympa par rapport à ces salons virtuels où tu te retrouves avec des gens que tu connais pas du tout, qui sont aux quatre coins de la planète et qui sont dans la même pièce que toi, c'est que t'as un peu l'impression d'aller, je sais pas moi, dans un bar, etc., de faire des rencontres. Et la dernière fois, c'est ce que j'expliquais à Adrien, on était 5 ou 6 personnes dans une pièce, et évidemment chacun peut choisir sa forme, son avatar, etc. De racisme. Et il y a déjà, et il y a un mec qui était aux États-Unis et qui apparemment, donc c'était un comédien, le gars, et il a testé ses routines de stand-up devant nous. Donc on était dans le salon et le mec était là. Et c'est une expérience qui se rapproche de ce qu'on a avec les chatrooms ou quoi, sauf que on avait l'impression d'y être, quoi. Et le cerveau enregistre le truc un petit peu comme si c'était une expérience réelle. Donc, mon cerveau, il est plus malin que ça. Putain, mais c'est ouf, putain. Mais on testera, nous, de toute façon, tout à l'heure, parce que Patrick nous l'a ramené. Oui, on pourrait faire un. En fait, je voulais faire un périscope. Oui, il est là. Oh là là, on va tester la chatroom. Vous avez compris. On va peut-être faire un espèce de petit truc à voir. Je ne sais pas si je le diffuserai, donc peut-être que tout ce que je dis va être coupé au montage de ce podcast. Pas un périscope, mais de filmer ça, parce que j'ai du matériel vidéo et audio. Ça pourrait être très drôle de faire une réaction avec le truc d'horreur. C'est ça. Donc l'idée, en fait, c'est juste qu'on va mettre la caméra. Moi, j'ai très peur. Je testerai. Film de cul, ok, mais le Sisters, là, c'est mort. Non mais du coup, alors, on va peut-être faire une reaction, voilà, reaction, oui, tout ça, et on verra bien ce qui se passe. En revanche, j'ai des potes qui ont lancé un truc qui marche super bien, qui s'appelle Theater in Paris, et en fait... Alors ça veut dire théâtre à Paris. Ouais, je crois. Et en fait, ouais, ce qui permet, avec des lunettes de... réalité virtuelle. Voilà. Tu es un Japonais, un Américain, tu veux aller au théâtre à Paris, tu rentres dans le théâtre, tu prends les lunettes, tu as les sous-titres qui apparaissent sans boucher la vue du spectacle. Ah, c'est chouette, ça. En direct sur les comédies. La réalité augmentée. Pas mal. Réalité augmentée. Ah, voilà. Donc oui, ça c'est chouette. C'est quelque part, en fait, qui avait lancé un premier surtitrage au départ de leur boîte, un surtitrage comme à l'opéra. Donc tu es anglophone, tu peux aller voir n'importe quelle pièce de théâtre qui marche bien et qui est française et que tu ne verras pas ailleurs en ayant les surtitres. Et puis en fait, au fur et à mesure, ils ont développé le truc. Donc maintenant, tu as les lunettes. Ils sont en train de développer aussi le truc avec les Google Glass, ce qui permet que tu n'embêtes pas ton voisin. Voilà. Ils sont en train de développer comme à Londres, je crois à Covent Garden, dans les fauteuils, un écran qui te diffuse les sous-titres devant toi, okay, voilà, okay, un peu comme dans l'avion, quoi. Et ils sont en train de développer cette technique, donc ce qui fait que maintenant, là, ils ont quelques spectacles à Paris, environ 5 ou 6 spectacles, et tu peux, dans n'importe quelle langue, au fur et à mesure, tu pourras, n'importe quelle langue t'arrives, tu es... Pas mal, c'est génial. Et quel est le rapport avec le cul? Parce que on parlait. Est-ce qu'il pourrait y avoir des sous-titres, par exemple, quand je fais l'amour à des femmes? Alors, le problème, c'est que c'est très limité en termes de texte. Pour comprendre ce qu'elle. Oh, mais il y a quand même un opérateur qui lance, parce que le comédien dit pas forcément toujours le... enfin, voilà, au même moment, etc. Donc, il y a un opérateur. Le théâtre, c'est un théâtre vivant, c'est un spectacle vivant. Voilà, c'est complètement vivant. Les machines peuvent pas non plus. Donc, il y a quelqu'un en live qui actionne les sous-titres. D'accord, bien sûr, évidemment. Un truc qu'on n'a pas dit, c'est que tu disais que quand on se déplace dans un jeu, mais que nous, physiquement, on ne se déplace pas, ça fout la gerbe. Donc là... Alors, moi, pour l'instant, ça m'est arrivé qu'une fois avec le truc, c'est avec le roller coaster. Tu peux te retrouver dans un parc d'attractions. Les montagnes russes pour les francophones. Montagnes russes. Au cas où. Et là, effectivement, quand le corps est statique, mais que l'image avance... le cerveau bug un petit peu. Et bon, ça le fait aussi avec des jeux vidéo en 3D classique. Moi, je sais que je chope facilement la gerbe avec les jeux à la première personne. Oui, quoi. Ouais, Candy Crush, tout ça. Ouais, voilà. Un truc de jeune, quoi. Et alors, l'interprétation scientifique du truc, ce serait que, comme le cerveau perçoit un décalage entre ce qu'il voit et ce qu'il perçoit, il croit que le corps a été empoisonné et qu'on est en train d'halluciner et il envoie la nausée pour évacuer le poison. Et moi, ça m'a fait ça à Disney, je t'expliquais tout à l'heure, mais alors rien à voir, mais parce que je dois être hyper sensible, j'avais fait Ratatouille, là, et c'est de la 4D bizarre, là, et en fait, dans le film, on tombe dans la cuisine, là, on est le rat, une souris, je sais plus ce que c'est, ce truc-là. Ratatouille. Maître Splinter. Ratatouille. Exactement. On est le rat, on tombe, et en fait, le truc, juste, il se penche comme ça, et j'ai eu un renvoi de malade, j'ai genre... Oh. J'ai fait, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'allais bégère partout. Je suis allé voir les gars. Je fais, les gars, j'ai vomi quoi. C'est quoi cette merde? J'ai écrit pour les moins de 4 ans. Les gars, attends, t'as vomi vraiment? Bah, c'est ouais, j'ai ravalé quoi. Ravalé. Ah, parce que je suis une sacrée pute, hein. Oh merde. Putain, donc il y en a qui gèrent sur Space Mountain 2, toi c'est sur Ratatouille. Ouais, ouais, mais ça m'a fait le truc que tu dis, ça m'a, mon cerveau il a bugué quoi. Il a fait, ouais, qu'est-ce que tu fais là? Ouais, c'est ça. Putain. Je n'ai pas compris. Et c'était horrible, c'était une expérience horrible quoi. Et je rebondis du coup, parce que en fait, parce que vous avez parlé beaucoup de jeux vidéo, donc je vais quand même parler d'un bouquin que je suis en train de lire. Et qui est forcément en opposition. Ouais, bah, je crois pas. Non, mais alors attends, parce qu'en plus c'est pas non plus de la grande littérature, hein, c'est un polar, mais je tiens à le dire quand même, parce que ça fait un petit moment, ça fait une semaine que je l'ai commencé, je pense que j'ai lu que 40 pages parce que à chaque page j'ai vraiment... Tu chies dans ton bain. Mais complètement. Okay. Mais complètement. J'ai jamais lu un truc aussi trash et hardcore de toute ma vie. Je sais plus comment s'appelle le gars, mais le polar s'appelle Au-delà du mal. Mm-hmm. Et le prologue, tu fais... Oh, je suis pas bien. Au bout du livre, tu peux nous pitcher un peu. La première page, vraiment, on a une description d'un corps qui brûle, vraiment très détaillé. Et ça se termine par l'enfant regardait sa mère brûler. Voilà. Voilà. Et donc ça vraiment en 8 lignes. Et chaque page, donc ça c'est Au-delà du mal. Et chaque page, je flippe de ce que je vais lire après. C'est la première fois qu'un bouquin me fait ça. C'est-à-dire que je me dis, j'ai trop peur de lire après. Ah. Et comme voilà. Quoi, on a les casques et tout, un bon bouquin, c'est la même chose. Et bah, ah, moi, génial. Je lis ça. Et bah, génial. Et ça, ça défonce. Ça alors, défonce. Dire, le Joël Dicker, la vérité sur l'affaire Harry Kéber, une bombe atomique. Et bah voilà. Salut. Voilà. Je me casse. David en a chié pour trouver de quoi il voulait parler. Aude a tout piqué alors. Sur le bouquin. C'est pas grave. Vous savez ce que j'ai bouffé hier soir? Bah, est-ce que tu peux nous pitcher un petit peu? Parce que j'en ai entendu parler de ça. David, est-ce que tu peux nous pitcher? Une soupe. Une putain de soupe de merde. Ça parle de quoi ton bouquin? Ça parle d'un écrivain qui est en train de devenir has-been. Il est en train de flipper parce qu'il n'a plus d'idées. D'accord. Et du coup, il fait appel à du coup son. Mais j'ai pas fini le livre, du coup, j'ai pas envie qu'on. Tu vois. Ah, non, mais on veut pas mais, la fin. Voilà. En gros, c'est ça. Il fait appel à son mentor. Et du coup, il y a une histoire un peu. En gros, son mentor est accusé d'un meurtre terrible. Il va mener l'enquête sur son mentor. Non, mais il va mener l'enquête sur son mentor et donc en tirer son bouquin. Voilà. Mais c'est pour ça que j'ai préféré échanger de sujet. Alors que c'est moi qui l'ai lancé. Du coup, t'as pas encore vu quand le fils meurt. C'est Wenya. C'est la vie, c'est la... Il l'a tenu longtemps, il l'a tenu longtemps. Il était bon, il était un peu arabisant et tout. Il était propre. Ok, bah écoutez, merci beaucoup pour toutes ces petites, des petits conseils de, pour à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Putain, météo. Non, je voulais vous inviter aussi pour parler d'un sujet. De parler des... Ah oui, non, moi j'ai testé un truc pour vous. Ah. Aussi, j'ai testé pour vous faire un dépistage du sida. Pour tous les gens qui... Ah, on va passer une bonne soirée. Pour tous les gens qui veulent le faire. Non, c'est bon. C'est sûr, je sais pas. Alors justement... C'est sur PS4. C'est sur... Je sais pas. Moi, je voulais faire... C'est du cul ou pas? C'est un peu lié, quelque part. Ah, vas-y, raconte. Non, en gros, c'est une sorte de teasing. Peut-être la semaine prochaine, je vous dirai si je l'ai ou pas. Ce sera un peu... Génial. Alors, rattrapage. Parce que là, t'as pas encore le résultat, du coup. Non, j'ai pas le résultat. En fait, je me suis jamais fait dépister de ma life. Et j'y suis allé parce que pour des raisons... Non, mais on vient tous de... C'était pas radiophonique, mais on a tous fait une gueule, genre... Donc tu... Ça va être gênant la semaine prochaine. Non, j'ai... Séquence glauque. Je suis toujours protégé. Et là, du coup, maintenant, je suis dans un couple stable. J'ai envie d'arrêter de me protéger. Et donc, du coup, j'ai fait un dépistage pour être sûr que tout va bien, tu vois. Et donc, du coup, j'ai fait un dépistage. Et donc, je vous invite à le faire pour des raisons évidentes de sida. Parce que voilà, c'est un peu glauque. C'est vraiment des ambiances pas amusantes. Mais c'est important de le faire. Moi, j'y suis allé. Je pense que j'ai absolument rien du tout, vraiment, mais t'es quand même dans une ambiance où t'es entouré de gens qui sont un peu flippés, et de gens, voilà, donc c'est pas le truc le plus marrant du monde. Il y a que des prospectus sur le sida, et ça, vraiment, c'est un truc que je voulais dire, si vous travaillez dans les centres de dépistage, vous pourriez mettre un Paris Match, un gala, enfin un petit truc, parce que vraiment, l'attente, ça dure une plombe, et avoir juste des trucs sur, alors le sida, comment l'avoir, comment vous allez en mourir, tout ça, alors que tu attends de passer le test. Le sida, comment l'avoir, on croise les doigts. Comment l'avoir. Vraiment bizarre ton prospectus. Non, mais voilà, c'est que des prospectus sur le sida. T'as chopé le sida. Envoie sida au 08 22 22. Non, mais voilà, et donc du coup, j'attends, machin. Je passe par 3 personnes, ça c'était un peu long. Donc je passe par la première qui prend mon nom. C'est comme ça qu'on a le sida. Et pourquoi t'as pas été faire des analyses de sang dans un endroit où tu fais juste des analyses de sang? Alors j'ai appris ça après. C'est-à-dire qu'en fait on peut aussi aller voir juste un médecin aller dans un labo pour faire un dépistage, mais je savais pas. Donc moi j'ai juste tapé sida dépistage et ils m'ont filé un truc pour aller. J'ai une petite anecdote après. Pour me foutre dans le labo. Du coup ils m'ont foutu dans un truc de. De dépistage quand tu penses avoir Ken, un mec ou une meuf porteuse. Dans une cave pleine d'héroïne et de seringues, t'as un doute. Exactement. Et donc, du coup, c'est des trucs anonymes et tout. D'ailleurs, petite anecdote marrante, donc, j'appelle la meuf, elle me dit donc c'est anonyme et tout. Ah, je savais pas et tout. Et elle me dit par contre, je vais prendre vos initiales. Je fais ok. Je dis FB, parce que je m'appelle Florent Bernard en vrai, donc je dis mes initiales sont FB. Elle me dit d'accord, S comme Sarah et B comme Bernard. Et je fais non, F comme Florent en fait. Donc, j'ai juste dit mon blaze, donc très bien, ça ne servait à rien. J'adore tous vos sketchs sur Golden Stage. Vous avez le sida au fait. Ça c'est un sketch. Vous avez le sida, ça c'est un sketch. Hein. J'aurais une anecdote là-dessus. Et donc, du coup, je vais faire mon dépistage. C'est très sympa. Et donc, je passe par une première meuf. La deuxième. M'explique en gros toutes les maladies que je peux attraper hors sida. Elle m'explique tous les trucs qu'on apprend en éducation civique et sexuelle, donc à savoir, vous savez, pas la fellation, ça, c'est plus rare, mais ça arrive aussi. Il y a pas que le sida, il y a la coqueluche et compagnie, tout ça, toutes ces belles. La coluche. Coqueluche, ouais, qu'on salue. Qu'on salue. RIP. Tu dois bien se marrer avec des proches. Il y a pas que le sida, il y a coluche. On y est, quoi. Et voilà. Et ensuite, je passe par une troisième personne, qui donc est la personne qui va me faire la prise de sang. C'est un truc de ouf. Ouais, ouais. Et la personne. Et c'est vraiment good cop, bad cop, parce que la personne d'avant était très gentille. Et la dernière était une espèce de connasse infâme qui m'a trop mal parlé. Alors déjà, il faut pisser quand tu te fais dépister du sida, donc je ne savais pas. Mais dans ton froc, par contre, c'est hyper chelou. Okay, bah, je pisse maintenant. Oui, allez-y. Tu lâches une caisse juste avant. Parce qu'en fait, il faut que tu pisses dans un bocal. Mais pas pour le sida, c'est pour les chlamydia. Le plaisir. Ah oui. Pour le plaisir, pour délirer. Non, non, c'est pour les chlamydia. J'adore le bruit. Fait, non, non, c'est j'adore le bruit, ça fait drrr, trop marrant. Donc moi, je savais pas. Et elle me dit est-ce que vous êtes allé aux toilettes il y a moins d'une heure? Et je fais ouais, je crois. Elle fait il y a pas de je crois, c'est vous l'avez fait ou vous l'avez pas. C'est gratuit, mais il faut être précis. Wow. Je fais waouh. Je vais te pisser à la gueule déjà, je pense. Déjà. Vraiment immédiatement. Donc du coup, je fais non, du coup, non, j'ai pas pissé parce que ça fait une heure que j'attends ici. Donc clairement, non, j'ai pas pissé depuis une heure. Par contre, j'ai envie de chier si vous voulez. Je peux chier dans votre peau là. Ça marche pas. Tu viens de faire Ratatouille donc. Je viens de faire le Disney là, c'est chaud, j'ai envie de baiser et de chier. Donc du coup, voilà, elle me file les clés parce que les chiottes sont privées. Très bizarre. Mais ils sont de l'autre côté de la salle d'attente. Donc en fait, on sort du petit cabinet médical. Elle me fait vous prenez les clés, donc vous faites pipi là-dedans, vous allez de l'autre côté et vous me ramenez ça. Je fais merci, donc je suis devant tout le monde. Heureusement, j'espère, ils ont tous le sida et du coup, c'est plus gênant pour eux que pour moi. Et du coup, je traverse la salle avec mon petit bocal. Je sup dans les toilettes. Alors, je pense que c'est l'habitude d'aller au Subway. En fait, au Subway, non, c'est une intro. Tu peux attraper le sida comme ça, d'ailleurs, on le rappelle. Ouais, rappelons-le, si vous prenez un sub 30 au poulet nature, vous pouvez attraper le sida. C'est très rare, mais... C'est très rare, mais ça arrive. Non, en fait, quand tu vas au Subway, c'est un distributeur à la machine, mais tu dois te servir qu'une seule fois quand tu te prends un coca, tu vois. Ah bon ? Donc du coup, ouais, t'as le droit à une seule fois au Subway. Du coup, tu le remplis à ras-bord. Et moi, je pense qu'à force de faire ça, j'ai vraiment rempli le petit bocal de pisse à ras-bord de ouf. Genre vraiment avec le petit... Comment on appelle ça La bulle. Ouais. Non, c'est le menhir. Pas le menhir, je sais plus. La bref. Tension, machin. Le menhir. Non, le menhir. C'est pas le menhiel. Non, mais en gros, voilà, c'est vraiment à fond. Du coup, quand je vis, il y a un peu de pisse qui tombe sur le côté, donc bon, ça, j'essuie tranquillement. Donc, je ramène ça vraiment ultra plein. Je repasse devant tout le monde avec mon petit bocal de pisse. Avec, voilà. Qui goûte Non, que j'avais bien essuyé. Ah, sur ton jean. Et à ce moment-là, j'ai eu un truc très bizarre, parce que ça m'était jamais arrivé. J'ai eu honte de ma pisse, parce qu'elle était beaucoup trop jaune. Vraiment, c'était vraiment beaucoup de mauvaise santé, beaucoup de Red Bull Lemon dans cette pisse. Donc vraiment, je lui donne mon truc de pisse. Donc elle le regarde, elle dit rien, mais elle fait, ça ne servait à rien d'en mettre autant, hein, vraiment, c'est tout. Donc elle fait son truc, je fais la prise de sang, et voilà, et elle n'a pas fait de dessin. Quand j'étais petit, quand on faisait des prises de sang, ils faisaient des dessins autour du truc. Ah ouais. De la avec la seringue. Ouais, et là, elle n'a pas fait. Et là, maintenant, tu sauras que tu peux aller dans un endroit... Tu fais genre juste faire une prise de sang normale. Et en fait, voilà, et donc pour vous... si vous voulez, vous pouvez faire ça dans un centre labo. Il y a des trucs payants aussi, mais ça coûte 15 balles, je crois, pas beaucoup plus. Mais moi, je ne savais pas, parce que moi, on fait partie de la génération qui a très peur du sida et qui a raison. Parce la que, génération non-non. La génération non-non, celle de DIAM, DIDI, DIAMS. Ouais. Donc, du coup, voilà, mais vous pouvez vous faire dépister hors ces centres. Mais après, ce qui est bien avec ces centres, c'est qu'ils sont gratuits et vous avez les résultats en une semaine. Donc voilà, quand j'enregistre ce podcast et quand il sera diffusé, je ne sais pas, mais dans le prochain, vous aurez la réponse que j'espère, positive, non, négative, mais j'espère pas l'avoir. Quoi, donc ce que tu peux aussi, c'est avoir un très grave accident, être tout le temps à l'hôpital, faire tout le temps des prises de sang, comme ça tu sais si tu l'as ou tu l'as pas. Ouais. Voilà, allez hop, madame. C'est parce que Aude pour expliquer aux gens, c'était vautré en cheval parce qu'elle est nulle à chier. Au mais moment en équitation, du coup, parce qu'au bout d'un moment, les chevaux qui rebondit sur la tienne. C'est que moi aussi on m'a très mal parlé dans une première partie d'hôpital, mais j'ai eu un truc magnifique, c'est que je vous raconte cette anecdote comme ça à brûle pour point. après je me suis cassé donc les deux bras il y a moins d'un an, et je suis rentrée chez moi en convalescence, et puis en fait mon bras a nécrosé, donc il est devenu tout noir. Voilà, donc je suis repartie aux urgences. En urgence. Il faut savoir qu'on a 6 heures hein, pour s'occuper d'un membre nécrosé, sinon il faut le couper. Ah ouais. Donc voilà, et quand je suis arrivée aux urgences, on m'a mis dans une petite cabane, je sais pas comment ils appellent ça, un box. Cabanon. Ils appellent ça un box, hein, comme quoi. Une paillote, voilà. Je crois. Ils sont peut-être bons en science, mais en littérature, ils savent utiliser 4 mots. Hein, voilà. Ils me mettent dans un box en attendant, quand même 2 heures dans une souffrance où on me dit prenez un effaralgan, ça ira mieux. L'équivalent d'un die-hard, ça dure 2 heures. Figure-toi que quand la dame est revenue me chercher, elle me dit Ah, j'ai eu du mal à vous reconnaître, hein. Ah. Hein ah. En plus, sur votre carte vitale, c'est pas la même date de naissance que sur votre page Wikipédia. What? Et elle t'a confondu avec qui? Donc là, je me suis juste dit, la meuf, ça fait 2 heures que j'attends dans une souffrance atroce avec un bras tout noir qu'on va me couper, sa race. Bon, et tu as eu le temps d'aller sur ma page Wikipédia. Si j'avais elle mes bras, de corriger. Je te tuerais. J'espère que tu vas crever dans d'atroces souffrances. D'accord, voilà. Mais elle t'avait bien reconnu, c'était elle pas. Elle m'avait tout à fait reconnu. D'accord. Et elle m'a dit, oh, quand même, vous pourriez en faire un sketch. Ah bah oui, voilà. Bah ça, alors ça, c'est la vie. C'est le principe de la vie. Alors moi, je vais rebondir sur le test d'urine parce que dernièrement, je me sentais un peu fatigué, pas bien. Faiblard. Un peu faiblard. Patrac. Voilà. Le stress des examens. Bah, j'étais patrac, Patrick. Et, je te l'ai amené. Hein, oui, bien sûr. Sur un plateau. Sur un plateau. Et non, et du coup, je suis allé voir mon médecin. J'ai dit, ouais, bon, je me sens un peu patraque et tout. Tout de suite, il m'a dit, le moral, ça va. Donc, clairement, je pense que je fais une dépression, juste en fait. Juste. Il a dit, on va quand même vous faire faire des tests et tout machin. Et du coup, moi, j'ai amené l'ordonnance dans un labo. Et donc, pour faire une prise de sang, quoi. Je fais ma prise de sang. La meuf me parle mal aussi, donc ça doit être un truc de meuf qui fait des prises de sang, qui sont des grosses connes, voilà. Non, ou pas des tout, gros pas tout, cons, mais moi, des c'était, gens c'était une, c'était dans une le femme. Dans le service c'était médical, on les embrasse. Et d'ailleurs, un truc, voilà, c'est peut-être que moi, mais vous savez, une fois qu'ils ont fait la prise de sang, ils mettent une petite compresse. Ouais. Et ils après, boivent. Ils mettent un. Ils mettent un sparadrap. Oui, et moi, elle, poil, hein, voilà. Et moi, elle m'a dit, vous pouvez tenir la compresse avec votre doigt. Et je me suis dit, bah, c'est dégueulasse. Enfin, genre, mes doigts, ils sont. Je me suis pas lavé les mains, rien. Et je la fous direct. Voilà, je moi je me suis dit qu'elle avait juste peur d'avoir le sida, du coup elle a préféré pas toucher mon sang. Moi je me suis dit c'est dégueulasse quoi. De... Ouais. Ouais, exact. Et non, et du coup je finis l'attribution et je vais, au guichet et la meuf me dit ah, mais il y a aussi sur l'ordonnance, j'avais pas vu, il y a analyse d'urine, donc on va vous donner un récipient et tout. Donc je fais ah putain, il va falloir que j'aille en plus pisser et tout. Et elle me dit donc c'est les urines de 24 heures. Et là elle pose sur le guichet. Vraiment un bidon. Un bro de cantine. Un énorme bro, mais immense. Une bonne bouteille de coca, mais encore plus grand que ça, quoi. Et elle me dit donc voilà, donc faut uriner là-dedans pendant 24 heures, toutes vos urines. En continu. Voilà, c'est 24 heures et vous nous le ramenez. Ah. Et du coup, c'était hier, je crois. Je me suis baladé. Donc le snap était vrai. Voilà, et je me suis baladé avec 2,5. Parce que moi, comme je suis un bon élève, on me dit il faut pisser là-dedans. Je le remplis. 2,5 litres d'urine dans un bidon. Excellent. Sachant que j'ai été étourdi un moment et j'ai fait pipi dans les toilettes parce que j'avais oublié. Oh. Donc j'aurais pu atteindre 2,6, tu vois. Et du coup, c'est une expérience intéressante de se balader avec vraiment. C'est lourd en plus, 2,5 kilos. 2,5 kg, quoi. Et d'urine. Voilà. Pas mal. T'imagines, un meuf, si on additionne tous les hôpitaux de France, le litre de pisse qui doit se contenir dans surtout, tout ça. Surtout, t'imagines, on demande ça à une meuf? Ça doit être plus c'est compliqué. C'est un peu en galère, ouais. Quand même. Ah, avec bah ouais, ton bidon. Putain, ouais. Bah, tu te le colles bien sur la toche. Et les yeux de poire. Alors que étrangement pour un mec c'est extrêmement agréable. Je me suis dit gratifiant. Pourquoi je fais pas ça tous les jours, ouais. Parce que vraiment tu tiens le truc, tu poses ta tub sur le rebord et tu pisses et t'as, vraiment tu t'occupes de rien, quoi. Peut-être tu lui caresses même un peu la tête, comme voilà. Tranquillement. Moi en tournée, j'ai dû pisser dans la bouteille. Enfin, il voulait pas s'arrêter, le mec qui conduisait, tu vois, le chauffeur. Et mais genre, double number, le truc, quoi. Tu vois, et j'ai dû vraiment pisser dans des tailles de. C'est dégueulasse ce que je suis en train de dire. Mais là, bière. Coup, mais t'es dans un. Ouais, toi, t'étais en plus dans un camtar entouré de gens, donc ça devait être encore non, plus. Non, non, mais sympa. C'était le groupe, hein. Mais ils s'en foutaient. Mais là, l'orifice. Mais c'était pas pour des analyses, du coup, quoi. Ça va, Adrien. L'orifice est grand. Juste la taille pour que ça passe, mais limite. Il a dit qu'il l'avait posé. Très à l'aise. Ouais, tu décalotes et tu poses, quoi. Donc voilà. C'est très belle histoire de pisse. J'ai possédé beaucoup d'urine de propre urine chez moi. Mais alors attends, t'as fait 2 litres 5 combien de temps? Parce que je pense que les auditeurs veulent savoir. En 24 heures, un peu moins, quoi. On fait autant en 24 heures. On se rend pas compte. C'est ça qu'il faut. Belle performance. J'avoue que la première miction. Oh, joli ça. Bah oui. Patrick est un amoureux du. Oh, j'aime beaucoup là le verbe juste. Le jargon justifique. Voilà, tu le goûtes. Oui, tout à fait. Non, je me suis dit putain, mais quand même, ils abusent de filer un bidon comme ça, parce que tu vois le truc, ça fait un fond, tu vois, et petit à petit tu fais mais je vais y arriver à le remplir, bien sûr. Et je pense que j'aurais pu voilà, mais je suis pas allé jusqu'au bout du truc. Il faut savoir que tu pisses dans le truc où tout le monde pisse dans le oui bah il le lave pas, après il le vide, il regarde, un coup de sèche-cheveux, il le remet vous monsieur voilà. Il l'embête dans les rayons tout de suite, donc voilà. Moi, j'ai une sale expérience de piqûre. Je peux le dire, parce qu'on est parti là-dedans. C'est pas de pipi. Non, je pense qu'on a fait le tour. On sait jamais. J'en avais une. Moi, j'en avais une petite dépit. Et la merde, on en parle pas assez. Alors, vous savez ce que c'est qu'une ponction lombaire? Bien sûr. C'est le frère de Christophe. Voilà. Ouais. Oh, joli. Par Christophe rapport à Lambert. Ouais. Non. Ah, c'est Patrick, est-ce que c'est le cousin de Jonathan Lambert? Voilà. Pardon, Patrick. Oui, oui. Est-ce qu'il est de la famille du personnage fictif créé par Renaud, Gérard Lambert? Ah, c'est bien vu, mais non. Non, d'accord. Non, bah, donc la ponction lombaire, c'est un prélèvement de moelle. Ah, donc ça n'a rien à voir avec Lambert Wilson, l'acteur qui est dans Matrix. Exactement. D'accord, ok. En même temps, c'est pas le même nom. Et c'est très douloureux. Et donc, on m'a fait ça quand je devais avoir 7 ou 8 ans, je crois. En fait, j'avais très mal à la tête, etc. Et donc, on m'a fait. Oui, je suis désolé. Mais est-ce que c'est un rapport avec la série Lambert du Devoir qui passait sur M6 Écoute, étrangement, non. D'accord, ok. Ni avec la pièce de théâtre L'envers du décor qui est en ce moment avec Daniel Auteuil. Ah, ça aurait pu, mais malheureusement pas. C'est si précis. Et donc, ça n'a rien à voir avec. Parce que. Oui. En 6ème 2, je t'écoute. J'avais Loïc Lambert. C'est pas lui. C'est pas lui. Hein. Non, c'était pour savoir. Donc, pour déterminer si vous avez une méningite. D'accord. Il faut vous prélever de la moelle. D'accord. Okay. Ce qu'on appelle la ponction lombaire. Ça a calmé tout le monde. Ouais. Et ça fait extrêmement mal. Robert Alcida, Patrick Bois, une meningite. Et Adrien pisse dans des bocaux. Ce podcast posthume pour se remettre, est dédié pour se remettre un petit santé. Peu dans le contexte. Donc j'avais 8-9 ans, machin. Et puis je commence à avoir très mal à la tête. Pardon. Je t'écoute, mais oui. Est-ce que c'est un rapport avec la chanson Casquette à Lambert de Soprano? Non, Section d'Assaut. Section d'Assaut. Oh là, tu dis, non. Attends, le vieux de merde. Il a voulu faire une référence jeune. La chanson de rap. Je nique ta mère. Ah bordel. Bon, la chanson était où là? Oui. Donc je crois que t'en étais à ponction lombaire. Oui, non, mais alors que je vous remette dans le contexte, donc j'avais très mal à la tête, etc. Et le médecin débarque et dit à mes parents. Si jamais il se met, parce que j'avais mal, très mal, du genre à me frapper la tête contre les murs, et le médecin dit à mes parents, si il se met à vomir des grands jets dru et continu, en criant Satan baisse ta femme, voilà. C'est qu'il est possédé par le diable. Il a dit, appelez un curé. Non. Il leur dit, il peut que ce soit une méningite. D'accord. Et le médecin n'était pas parti depuis 2 minutes. Que je lâche un truc donc extrêmement violent comme ça, longé. Ah ouais. Bon, donc je me retrouve. Est-ce que tu à avais fait Ratatouille juste avant ou pas? Non, mais pas du tout justement. Donc on était sûr que c'était pas ça. Donc je me retrouve à l'hôpital. Et là, pour être fixé, il faut faire cette ponction lombaire. D'accord. Et moi, je savais pas du tout ce que c'était. Attends, ponction. J'ai rien. Non. On a testé. On a fait le tour des. On a fait le tour. Donc je savais pas du tout ce que c'était. Ponction d'assaut peut-être, mais. Oh putain, casquette à Lambert de ponction d'assaut. Ok, ça marche. C'est une épreuve. Hein, ce sera le titre de ce podcast. Là, je me retrouve dans une pièce d'examen et je me rappellerai toujours de cette infirmière que je hais. Mais du plus profond de mon cœur, et je m'étais juré de la retrouver un jour, mais je pense que depuis elle doit être morte. Patrick est peu de gens. On peut dire, tu es peu de gens. C'est vrai. Mais alors, pourtant, il est tellement beaucoup de gens en même temps. Ouais. Ah, oh, elle manie les mots. Et en même temps, il est tellement multiple. Tu boxes avec les mots. Arsenic, moi, je savais pas ce qui allait m'arriver. Et donc, cette nana me fait mettre à 4 pattes sur une table. Allez. Elle te dit de tousser. Voilà. T'as joué ou pas? Donc là, ensuite, elle a enfilé un gant de ceinture. Moi, je savais pas que ça faisait pas partie de l'examen. J'étais trop jeune pour revient douter au cul, du truc. Bon. C'est bon, là. De ceinture. Et là, bam. Je comprends ce qui va m'arriver. Donc, elle sort une énorme seringue. Dans ma mémoire, elle devait bien faire dans les 30 mètres. Voilà. Facile. Et là, elle me plante le truc dans le dos, en fait. On te fait une piqûre dans la colonne et on pompe le jus, quoi. Et là, il y avait sa copine à côté qui faisait un décompte. Alors, attends, à partir de 30. Désolé, oui. T'étais à poil ou dans ma tête t'étais à poil? J'étais à poil. Bah, j'avais un truc d'hôpital. Là, ah d'accord, ok. Truc, donc voilà. T'as quand même les couilles qui pendent. Mais la totale. Bah, c'était l'illumination la plus totale. Okay, j'étais à 4 pattes nues. J'avais très mal, oui, parce que j'avais mal aussi. T'avais quel âge, rappelons-le? 8-9 ans. Donc c'était une expérience assez traumatisante. Donc t'étais adulte. Douleur de tête. Et non, c'est parce que dans ton image, il a déjà son sexe d'adulte. Exact. La nana me plante l'aiguille et là, je hurle un truc, mais c'était une douleur. J'en ai gardé une sensibilité en fait. On peut plus toucher là, c'est horrible. Ah, et donc, je propose de tester en direct. Non, mais ça fait beaucoup rire les oiseaux. Les partenaires. Les oiseaux. Et ça fait chanter les abeilles. Voilà. On sait pas pourquoi les abeilles, sans doute qu'elles ont un dard. Sa copine dans l'instant là fait le décompte à partir de 30. Donc 30, 29, je me dis oh nom de Dieu. Et c'est hurle, si hurle. Long. C'est horrible, horrible. Et donc je commence à bouger en Attends, fait. Attends, faisons le décompte, 30, 30. Ah, non. 28. Ah, non. 27. Et pendant 26, ce temps-là, elle enlève des trucs. Ah, c'est le début d'Intouchable. Bref, donc je bouge en fait, tu vois, parce que vraiment je m'attendais pas à ça et ça fait très mal. Donc je bouge. Et la nana qui faisait la piqûre enlève la piqûre. C'est cassé. Elle me dit oh, mais qu'il est empoté ce gosse. Dis, tu vas arrêter de bouger. Et alors là, donc à la douleur, à la peur, je me faisais engueuler en plus de ça. Et elle me replante le truc. Dans le cul. elle me saisit la gorge. Deux minutes. Elle me le replante et ça repart de zéro le truc. Oh putain. De 30 à 0. Bah oui, forcément. Et c'est un des pires souvenirs d'hôpital de ma vie. Et j'ai su après coup. Attention, là, c'est un petit qu'il moment. Il s'agissait d'Hitler. Un petit moment émotion. Voilà. Juste après, elle est sortie de la pièce et elle a envahi la Pologne. Donc ça, je l'ai su bien après. Oh non, j'ai su plus tard que ma mère, qui était dans la chambre d'hôpital et qui m'attendait avec mon père, donc s'était bouché les oreilles. Elle s'était foutu les oreilles sur les mains et il y avait les mains de mon père par-dessus les siennes parce que apparemment j'ai réveillé tout l'hôpital tellement je hurlais. T'es vraiment un empoté de gosse. T'es chiant quand même. Ça, elle aurait resté tes mains dans la gueule. Vraiment, la phrase est restée pas juste, pas faire imprimée de bruit, dans ma tête, quoi. Ouais. Je sais pas, la moindre des choses. Voilà, t'as un gosse de 8 ans, tu le rassures, quoi. Tu le gueules pas. Mais voilà. À sa décharge, t'es quand même tarte. Assez empoté. T'es un peu empoté, j'avoue. Mais j'avoue. Du coup, donc, elle t'engueule quand t'as besoin d'être rassuré. Ta mère se bouche les oreilles quand tu as besoin d'être rassuré. Comment vis-tu, Patrick Beau, finalement? Écoutez, nous sommes sur France Inter. Je suis Brigitte Lahaye. C'est Caroline Dublanche sur Europe. Putain, c'est fou. Ouais, ça fait mal. Petite douleur d'hôpital, David Fontao, ou pas du tout? Non. Ah, quand on m'a enlevé les dents de sagesse, j'avais mis du gros métal, je l'ai fait en local, je l'ai pas fait en anesthésie générale, les quatre d'un coup. Ah, d'accord, ok. Genre, comme un bonhomme. Et t'avais mis quoi comme groupe de métal, peut-être, pour conseiller à nos auditeurs? Allez. Mon corne, mon petit corne. Bien sûr. Faut savoir que je suis très malade, c'est pour ça que je ne parle pas beaucoup, mais je vous aime, hein. Je vous aime beaucoup. Je suis venu avec une grosse fièvre. Mais chacune de tes participations est un régal pour moi, personnellement. Donc t'as écouté. Je t'aime. Je t'aime très fort aussi. T'as donc corne. Ah oui, mais là, qu'est-ce que y a les douleurs d'hôpital. Petit Slipknot. Pantera. Pantera de Spi, ouais. Non, moi non, je suis en pleine santé sauf ce soir, donc j'ai pas eu de problème, hein, en fait, je suis pas comme vous. La semaine prochaine, j'ai pissé aux chiottes, j'ai fait tous mes tests à un an, donc je suis clean. Je rebondis sur une humiliation de docteur, enfin un truc horrible. Donc petite période de dépressif, et c'était tellement long et inguérissable qu'à un moment donné, quelqu'un m'a dit mais j'ai un super médecin un peu parallèle, une médecine parallèle qui guérit vachement bien les trucs. C'est Monsieur Bana à Barbès. Pour rien avoir avec Eric Bana, l'acteur, j'imagine. On arrête. Et donc j'y vais. Je continuerai jusqu'à voir avec, je vais avec Bana Fleck. Je vais voir ce médecin et je fais des gros guillemets. C'est pas radiophonique parce que c'était pas un médecin du tout. Et le gars me voit arriver dans son bureau. Marabout, je pense quoi. Qu'il me sent à 15 000 mètres. Non, non, pas un marabout, hein, une sorte de médecin parallèle. Enfin, un type qui se dit, qui met une plaque sur sa porte et donc il fait croire qu'il est médecin. Un dealer. Et il me dit. Et donc là, pendant 20 minutes, il m'a parlé de suicide, me demandant si j'avais déjà pensé à me suicider, etc. C'était chaud ou pas ? Donc au bout de 20 minutes. Oui, puis alors au bout de 20 minutes, encore plus. Voilà, en me disant voilà, et parfois quand on peut plus, bah faut se suicider. Quand il faut. Ah ouais, 20 minutes. Super, monsieur Bana. Comme j'étais vraiment déjà très en dépression. En mode en dépression. J'étais complètement en dépression sous médicament. Et son diagnostic, son médicament, c'était faut suicider. Il a fait une ordonnance, il a écrit suicide. 20 minutes de suicidez-vous. Voilà. J'ai le nez qui coule, butez-vous. Franchement, parfois, ça soulage les gens se soulagent par le suicide. Etc. Vous prenez l'ordonnance, vous allez à M. Bricolage et vous repartez avec une petite corde et un tabouret. Et bah, ouais, vraiment, c'était ça. C'est et donc, fou. Du coup. Monsieur Bana. Mais le problème, c'est que j'étais tellement envoyée par quelqu'un qui m'a dit non, mais vraiment, c'est un mec qui m'a vraiment fait vachement de bien, qui m'a sauvé la vie, etc. Et m'a dit bon, je vais quand même vous ausculter, etc. Parce que parfois, en débloquant des muscles, des choses comme ça, dans le. Voilà, une sorte de truc parallèle. Et ben, il m'a dit je vais vous mettre un doigt dans le cul parce que ça. Alors, attends, le pire mec. Parce que parfois, ça. Mais ça sauve des vies, hein. Parce que parfois, moi, ça en fait, m'a guéri de ma dépression. Ça peut détendre le rectum, ça peut débloquer plein de choses. Non, mais c'est vrai que c'est un bon petit voie de truc. Que ça, ce que tu ça, dis. Voilà. Ça mais bien. Du coup, qu'est-ce que t'es parti ou je suis partie sans le payer. T'as pris. En larmes. Mais le mec. Le mec. Mais je me suis mis un doigt dans le cul et ça a soigné ma dépression. D'accord. Finissons là-dessus quand même. Comme quoi, non, mais tu l'as. Putain, faut le dire aux flics, ça. Ah, bah ouais, non, mais c'était vraiment. Il s'appelle vraiment Monsieur Banois. Il faut savoir pour les gens qui nous écoutent, s'il y en a qui nous écoutent, que quand t'es un peu déprimé tout ça, tu es très vite aspiré par des gens comme ça qui te veulent pas du bien, oui. Parce qu'ils te sentent voir mais à des kilomètres. Et à cette période-là, voilà. Mais le sang, il y a vraiment des gens que ça attire. Et à cette période-là, j'ai rencontré que des merdes de gens qui en profitent de ta faiblesse pour voilà. Donc faites attention. Si vous êtes c'est vrai. Mais c'est un sujet intéressant aussi, la dépression, le fait de pas se sentir bien. Et effectivement, c'est un cercle vicieux. C'est vraiment un énorme cercle vicieux. Et faut être très vigilant parce qu'on peut toujours y retomber. En fait, on n'est pas forcément guéri, même après être sevré. Moi, ça fait 6 ans que je suis sevré totalement des médicaments, ça. Mais on n'est jamais à l'abri. Non, c'est clair. Surtout dans des périodes comme ça, un petit peu noires de notre monde, il faut s'entourer, aimer les gens, tout ça. Maximum de dos dans le cul. Ça mérite une chanson. Inscrire, je pense. 3. J'ai rien. In the world. On n'a pas les droits. Arrête, David. On n'a pas les droits. On n'a pas vraiment pas les droits. Pas le droit ou les droits. Non, on n'a aucun droit. Aucun droit. Mais effectivement, dans le cul. Petit. Allez. Droit dans le cul. Excellent. ce sera le nom de mon EP de rap. Droit dans le cul. Les droits sont dans le cul. Télécharger droit dans le cul, ma mixtape. Pas ton but comme l'OM, mon frère. Droit dans le cul. Je vous aime tous. Ouais. C'est dingue. Très bien. D'autres petits trucs d'hôpitaux. Mini anecdote d'hôpital. Moi, j'ai eu l'appendicite quand j'avais 6 ans. Classique. En gros, j'étais à l'école, j'étais en CP. Et puis j'ai vomi. J'étais pas bien déjà, j'ai vomi sur mon cahier de maths. Ah. Donc là, tu n'avais pas fait ratatouille avant. Je n'avais pas fait ratatouille avant. Okay, ouais, du coup, tu as fait une équation. Du vomi. Avec dénominateur commun. Et donc je suis rentré chez moi. Mon médecin de famille est venu à la maison. M'a mis un doigt dans le cul, bien sûr. Voilà. Bien sûr, pour voir si j'avais l'appendicite. Il a dit oui, l'appendicite. C'est fou ce que parce ça marche. Parce qu'on met un doigt dans le cul. Parce qu'il y a plein de gens qui font quoi. Ah, mais c'est sérieux alors. Oui, enfin, on d'accord. se prend un doigt dans le cul. Tu mets un doigt dans le cul et tu peux voir si l'appendice est. Enflammé. Waouh! Non, c'est normal, il arrive que des médecins mettent des doigts dans le cul. Ce qui est surprenant, c'est quand ils te branlent en même temps. Oui, elle m'a tiré les cheveux, ça j'ai pas compris. C'est ça, quand ils commencent à t'appeler. Tu essaies de t'embrasser sur la bouche en même temps, là c'est louche. Si ils te disent, appelez-moi monsieur par contre, moi c'est monsieur, d'accord? Je suis pas votre pote. C'était une femme. Ah, c'est une femme, ok. Mais elle disait, appelez-moi monsieur. Quand même, tout est dans le cul. Tout est relié dans le cul. Et donc? Pardon. Oui. Et donc, à l'hôpital, quand on est à l'hôpital et on est alité longtemps et qu'on ne peut pas trop se lever, il y a ce qu'on appelle un haricot, je crois, qui est une sorte de bassine dans laquelle on urine. Ah. Right. Et on a pissé dans tellement de choses. Alors moi, j'ai pissé dans pas mal de trucs. Ça pourrait faire l'objet d'une émission à part entière. Ce serait une émission de jeunes, ça se parlerait dans quoi tu pisses. Et on recevrait des auditeurs. Dans quoi tu pisses. Et toi, dans quoi? Ok, on est avec Mélissa. T'as pissé dans quoi, Mélissa? J'ai pissé dans un buisson. Les cheveux de mon père. Respect. Non, et du coup, j'avais quand même pas mal pissé dans ce haricot. Et il était temps de le vider, quoi. Et du coup, j'ai appelé l'infirmière. Pour qu'elle vienne changer ce truc. Et comme moi, j'aime bien. Par exemple, au restaurant. Quand j'ai fini de manger, je mets mes couverts dans l'assiette, je réunis tout, comme ça, le serveur a juste à prendre l'assiette et il s'en va. Oui, on se demande où ça va, là. Du coup, moi, je me suis dit, je vais lui rapprocher le haricot qui n'allait pas faire tout le tour du lit, machin. Oh, la gentillesse du gars. Vous le sentez venir, j'ai pris le haricot, je l'ai renversé sur moi. J'étais imbibé d'urine, des épaules jusqu'aux genoux. Super. Parce que vraiment, plusieurs mictions, pour plaisir plastique, renversées sur ma personne. Parfait. Et vraiment, elle est rentrée juste au moment où j'avais le truc dans la main. Et je l'ai regardé et j'étais vraiment couvert d'urine. Et j'ai dit, je suis désolé. Je peux dire mixtion accomplie, quoi. Oh là là. Moi, j'ai cru que c'était mixtion impossible au départ. Non. Mais je me disais, ça n'a pas tellement de sens. Ça n'avait aucun sens. J'ai dit, salut. Est-ce que du coup, elle a récupéré ton t-shirt pour le presser par-dessus le haricot histoire de récupérer la sève? Non, je sais plus. J'avoue qu'après, c'est un peu. Je pense que mon cerveau a oublié. Je pense que ton cerveau, il a dit, bon, tu sais quoi, je me casse. Le reste n'est pas marrant. Je rebondis sur l'histoire du haricot, parce que j'ai une histoire de haricot qui est très courte. C'est que pareil, cette même période où j'étais à l'hôpital avec mes deux bras cassés, j'ai demandé après être arrivé à l'hôpital à voir aller faire pipi et la dame m'a tendu le haricot, genre allez-y. Mais tu n'avais pas l'usage mais de tes bras. Mais j'ai les bras cassés, madame, en fait. Oui. Je ne peux pas faire mais parce qu'on l'a dit un peu vite tout à l'heure en rigolant très fort tout autour, mais oui, tu as eu un accident il y a plusieurs mois. Et franchement, c'est marrant. Et franchement, j'ai bien rigolé. Et franchement, t'es nul à chier. Non, vrai. Non, tu le raconteras mieux que moi, mais un accident de cheval qui est un accident surprenant quand on est parisien, mais tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus. Tout bêtement, je me suis fait éjecter sur la route par un cheval en débourrage. Fils de pute. Voilà. On va le retrouver. En fait, le problème, c'est comme je suis tombée... Allez, pour la faire rapidement, je suis tombée une première fois parce que je me suis éjectée du cheval qui était en train de devenir fou à cause d'un essaim de guêpe. Voilà. Et comme je me suis éjectée un petit peu trop sur la tête, je m'en suis pas rendu compte, mais dans l'adrénaline, j'ai dit je remonte tout de suite, il n'y a pas de problème. Ça fait 20 ans que je monte à cheval, mon pote. Ouais. Je suis remontée inconsciente. Donc quand je suis remontée un peu lourdement parce que inconsciente, donc le cheval est devenu d'autant plus fou. Et je n'ai plus aucun souvenir, il a galopé, il m'a ramené sur la route où il m'a éjectée, donc de tout mon poids, forcément, comme j'étais inconsciente. On est d'accord qu'il avait quand même des problèmes dans sa vie à la base. Ouais. C'est pour devenir fou quand tu t'assois un peu. T'aurais trop. T'aurais dû lui mettre un petit doigt dans le cul avant, et ça aurait pas, y a eu aucun problème. Enfin, un bras du coup. Ça veut dire que t'étais évanoui sur le cheval. Et donc il m'a éjecté large, mais j'ai aucun souvenir, c'est ça l'avantage. Imagine si des gens ont vu cette scène. Ah, ben quelqu'un a vu cette scène. Deux personnes ont vu cette scène. T'aurais dû prendre un Uber. Et m'appeler après pendant 24 heures en me disant j'en ai pas dormi de la nuit. Bah ouais, c'est cool. Bah en fait, moi j'attends, ça fait 36 heures que j'attends de me faire opérer, mais je suis désolée que t'aies fait des cauchemars. Et du coup, cet accident t'a cassé les deux. Paralysé, ouais, cassé. Directement. Donc, 10 semaines, cassé. Absolument, comme Leroy. Dolouane Leroy. Également. Et Patrick, ouais. Également. Il le tient bien, donc ils sont obligés. Il ne faut pas lui en vouloir. Il le tient vraiment bien. Il le tient extrêmement bien. C'est mon père. Donc tu t'es cassé les deux bras en cheval. Voilà, et qu'est-ce qu'on se marre. Mais non, mais si. Non, et du coup, excellent. Du coup, 10 semaines immobilisées, 6 mois de rééducation. Je suis re à cheval. Du coup, 10 semaines, rien à voir avec semaine, l'humoriste. Voilà. Oui, David est sur le point de du le coup, dire. Le truc là, oui. L'Oculus Rift. L'Oculus Rift. Là, tu kiffes du coup. Exactement. C'est ce que je me disais. Pour les gens qui ont plus de jambes et plus de bras du coup. Exactement. C'est pas genre ultra déprimant du coup. Ils vont se dire ah putain merde, cours, ça y est, c'est reparti. C'est une manière de. Alors que c'est du chat, je prends les bras. Non, parce qu'ils peuvent pas se le mettre sur la tête. Ou alors pire, ils sont dans un truc qui les fait gerber et ils peuvent pas l'enlever parce qu'ils ont pas de bras. Quelle horreur. Bah, tu secoues la tête. Pour les gosses qui sont à l'hôpital, c'est merveilleux parce que tu peux te retrouver à. Ou les adultes même. Adultes, hein, voilà, un bon porn. Mais oui, et donc bon tu t'en es enfant. Remis aujourd'hui. Tu es plus belle que jamais, plus en forme que jamais. C'est faux, mais laisse-moi c'est gentil. C'est vrai. Non, c'est si vrai, je peux me permettre, elle a été plus belle à une époque. Quand la même. Vie. Non, je rigole. Je plaisante, bien sûr. Il est évident. Je dirais pas, je le pensais. Aujourd'hui, je suis extrêmement mutilée. Mais non, mais du coup, mais tu as non, mais tu as passé du temps à l'hôpital et donc tu as. Et j'y retournerai puisqu'il faut enlever tout le matériel qui est à l'intérieur de mon corps. D'accord, ils t'ont installé des trucs. J'ai une plaque avec une vis, voilà. Ah ouais. On retirera dans quelques mois. D'accord, ok, cool. Alors, cool. Est-ce que du coup tu sonnes au portillon? Alors je ne sonne pas. Je ne sonne pas. En revanche, cool. Alors comme les vieux, je sens le froid ou l'humidité arriver. Oh là là. Voilà. Je vous le dis. Est-ce qu'on peut dire c'est ça que j'étais vieille à la base. Est-ce qu'on peut dire que tu es une sorte de X-Men du coup? Absolument. Avec des pouvoirs très peu. Mais d'ailleurs, l'homme qui partage ma vie trouve que je ressemble à une guerrière grâce à ma cicatrice. Il faut trouver. Il faut trouver un item. Ça peut être sexy. Une belle cicatrice, ça peut être très sexy. Voilà. Moi, elle est vraiment très très moche parce qu'elle a été très mal faite. Ah, ils t'ont chié. Ah, ils m'ont vraiment, puis ils m'ont chié dessus en plus en le faisant. Donc du coup. Il y a des petits résidus, c'est vraiment répugnant. Ça, c'est des choses qui arrivent. Ouais, une anecdote de semaine, anecdote d'hôpital. Oui, parce que pareil, tu vois, les infirmières, après 36 heures de douleur non-stop, où je comprenais pas ce qui. J'avais une douleur anormale au bout de 36 heures d'hôpital. Et elle me disait vraiment, tu nous emmerdes et tout ça. En fait, sauf que, en fait, on a découvert 11 jours après qu'il m'avait oublié une autre triple fracture. Ah putain. Pour ça que j'avais mal. Ah, bah, mais le soir où j'ai appelé trois fois de suite, genre, j'en peux plus, il faut me donner un truc pour dormir. La charmante infirmière qui devait être la même que Patrick. Ouais. Quelques années après, je l'ai entendu dans le couloir quand j'ai appelé la troisième fois faire putain, elle me casse les couilles celle-ci. Oh non, mais non, mais quelle horreur. Et donc je lui ai dit, j'ai pas perdu l'usage de mes oreilles, je suis vraiment désolée de vous casser les couilles, mais je souffre. Allez, voilà. Tu disais que c'était anormal. Alors, tu sais quoi, le pire, c'est que je l'ai pas fumé. Parce que j'avais peur, l'ascendant qu'elle avait sur moi, elle aurait pu faire n'importe quoi, se venger. Quoi. Tu sais, juste enlever la couverture et t'as froid toute la nuit et tu peux pas la tirer. Quel connasse. Donc, du coup, vu l'ascendant. T'as peur en plus. Vu l'ascendant, j'ai pas pu la fumer. C'est terrible. Ou te mettre. Parce que tu disais. Par contre, autant te dire que j'ai le bras long, mon pote, et maintenant, on peut dire que. Non, parce que je pense qu'on a la même. Tu disais que c'était une situation anormale à ton normal. Est-ce que c'était de la famille, cette situation anormale, de Natacha normale? Ah, d'accord, non, moi j'avais Anormal Tavo, moi. Ah oui. Elle est mieux. J'ai fait des vidéos, je le rappelle. Un Pouvoir Star. Un point pour Adrien. Amis auditeurs, n'hésitez pas à tenir les comptes. Écoutez, les amis, ça fait déjà 1h16. Oh là là, le temps passe vite quand on s'amuse. J'avais une petite anecdote d'hôpital. Ah non, mais vas-y, je t'en supplie. Et de featuring pipi, donc j'ai la totale. Alors attends, Patrick. On a une thématique assez souvent, sympathique. Ouais. Accompagné d'un mystère médical à la docteur. Comment ça s'appelle? House. Il a réussi à mêler de l'insolite à la axolote. Et le podcast, podcast. Là, c'est là. Il est en train de dévier. Dans deux minutes, là, il nous raconte des petits trucs insolites. Dans deux minutes, il nous parle de la Première Guerre mondiale. Je devais avoir 13 ou 14 ans, je crois. Et une nuit, je me réveille avec une douleur. Quoi ? Ah oui, d'accord. Le brouillard. Oui, oui. Le bizarre. Bizarre. Donc, avec une douleur intense au genou droit. Et j'ai gardé cette douleur pendant un an à peu près. Et on n'arrivait pas à déterminer ce qui n'allait pas. Le mystère était entier. On a fait, exactement. Voilà. On a fait tous les examens possibles et imaginables. On a fait des radios, IRM, tout ce qu'on a pu faire. J'ai même testé un truc, je ne savais même pas que ça existait. En fait, on t'injecte une substance radioactive dans le corps et tu te transformes en... Mec vert géant, c'est ça. Non, non. Tu as un genou extrêmement musclé et vert. Non, pour de vrai. On t'injecte une substance radioactive. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la salle d'attente des personnes qui ont reçu cette injection, il y a un petit panonceau qui déconseille aux accompagnateurs de venir parce que forcément les gens dégagent une certaine radioactivité. Quoi. C'est rassurant. Toi, tu l'as dans le corps. Ouais. Donc, on t'injecte ce truc radioactif et après, on te fout sur une espèce de photocopieuse à humain, en fait. Et là, tu obtiens une radio de tout ton squelette. D'accord. Et là où il y a des problèmes, ça ressort en fluo. Ouais. Au hasard. J'ai dit au hasard, Patrick. Et donc, bon, voilà. Donc, j'ai fait tous ces trucs-là, mais les médecins n'arrivaient pas à comprendre ce qui n'allait pas. Donc, c'est assez angoissant quand la douleur ne se calme pas du tout et que les mois s'écoulent, etc., etc. Et puis, un jour, il y a un mec. Ouais. Les mois s'écoulent. Est-ce que ça a un rapport avec le groupe Salut, c'est cool ou... Putain. Pas du tout. Voilà. Donc. Là, t'en auras le cul. J'arrête. Et pour l'instant. Oui. T'en avais une petite, peut-être. Pas du tout. Ah, je suis toute oui. Non, on écoute. Donc, il y a un mec qui a une intuition et il me dit « Essayez de prendre de l'aspirine. » Donc, j'avais jamais pris d'aspirine. Ah, d'accord. Tu avais un problème de circulation dans le genou. Alors, donc, je peut-être teste l'aspirine. Parce que le mec me dit « Ça pourrait être un ostéome ostéoïde, voilà, qui est une espèce d'excroissance osseuse rarissime. » D'accord. Et ce truc est particulièrement réceptif à l'aspirine. Qui fait que ça calme la douleur. Moi, en fait, j'avais dérouillé pendant un an, quoi. Et je prends une aspirine, putain, ça me calme direct. Oh, j'adore. Mais ça dure une heure, quoi. Et après, bon, ça revient, mais je savais que je pouvais au moins avoir ça pour dormir. Donc, c'était donc bien ce truc. Et en fait, c'est une espèce de morceau d'os microscopique qui pousse sur ton genou. Ah, et c'est très, très, très douloureux. Et les radios ne le voyaient pas, ça, c'est trop petit. Non, c'était trop petit. Et les gars qui analysaient les radios ne captaient pas le truc. Donc, il a fallu que je me fasse opérer dans un hôpital dans lequel il y avait une salle d'op équipée avec un microscope. Donc, le mec regardait dans un microscope pendant qu'il m'opérait. Et j'avais pas été anesthésié totalement. C'était une anesthésie locale et ça m'était jamais arrivé. Je l'avais jamais fait. C'est une péridurale. Donc, j'avais juste les jambes paralysées, quoi. D'accord. Ouais. Insensibles. Donc ils me font ce truc, cette péridurale. D'habitude c'est pour les femmes enceintes. Tu mets au monde un gosse à ce moment-là, voilà. Un enfant sort de ton bébé. Là j'ai accouché. Donc ils me font la péridurale et l'anesthésiste me dit tout va bien, ça va. Donc je dis oui, a priori je sens plus mes jambes. Ouais. Et là donc le gars commence à inciser et je sens la ligne du truc. Donc j'arrête tout de suite. Et je dis au gars, non, il y a un problème là, j'ai senti le fil du truc là. T'as fait mal ou t'as senti une sensation? Non, j'ai senti le truc. Et le gars me dit c'est bizarre quand même. Bon, je vous en remets une petite. Je pense que tu m'étonnes, il a dit. Je vous en remets une petite. Donc il me remet une dose. Donc j'étais vraiment défoncé. Et là le chirurgien commence à ouvrir. À tritouiller. Et il fait un morpion. Le type me dit oui. C'est pas une blague. La piqûre, il te l'a fait à quel C'était une piqûre dans le dos d'ailleurs. Ok, j'ai une théorie. T'en as chié quand même. Hein. Termine Patrick. Donc là. Donc le gars m'ouvre et je dis à l'anesthésiste, le gars me dit tout va bien. Je dis j'ai quand même l'impression que je sens un petit truc. Et le mec se marre et me dit non là, croyez-moi, si l'anesthésie n'avait pas marché, vous seriez en train de hurler votre race parce que j'avais le genou ouvert, etc. Mais je voyais pas ce qui se passait parce que j'avais une espèce de cache. Enfin, non là vous hurleriez parce que je suis vraiment en train d'enfoncer mon doigt en fait. Je presse un citron dans votre dans votre genou là. C'est comme bizarre là. Je mime un bras dans un anus. Et donc ce qui était très bizarre dans ce truc-là, c'est que j'avais l'impression d'être une bagnole dans un garage, parce que voilà, je voyais ce qui se passait, et surtout, je les voyais discuter entre eux, comme des professionnels qui font ça toute la journée, donc qui n'en ont plus rien à foutre, et du coin de l'œil, il y avait, euh, y avait un gars qui débutait dans le métier, manifestement. Donc il assistait au truc. Et c'est lui, lui qui passait les outils, machin. Je regarde le mec du coin de l'œil. Et en fait, le médecin pompait du sang avec une seringue. Il a passé au mec pour qu'il vire le sang dans un lavabo, tout ça. Putain, du coin de l'œil, je vois le mec vider la seringue. Il appuie sur la seringue. Et je vois une giclée qui part sur le mur. Et je vois le mec qui fait genre... Oh, merde. Vous voyez le mec, genre putain. Et voilà, et donc il s'est fait engueuler après parce qu'il avait foutu du sang partout. Et bon, l'opération se termine, tout se passe bien, etc. Et j'étais toujours paralysé. Et donc je dis, oui, par contre, je sens toujours pas mes jambes, c'est normal et tout. Ils me disent, oui, rassurez-vous, ça va passer, etc. Bon. Et là, il y a une infirmière qui me dit, par contre, si ça passe pas d'ici une heure ou deux et que vous avez envie de, voilà, d'aller aux toilettes, etc., dites-le nous. Et on vous infiltrera. Hein, donc on te met un truc dans l'urètre, voilà. Ah, je croyais que c'était genre, on te faisait passer pour Matt Damon dans un groupe de flics. Non, on vous met une fausse moustache et vous allez dans un bar de bikers. Dans un cartel mexicain. On va vous filer un flingue, ok. Mais j'ai envie de pisser, bah les couilles. On vous file un flingue et vous allez enquêter, voilà. Vous vous rapprochez de Pablo Escobar le plus possible et vous nous racontez. Donc voilà, elle me dit, on vous infiltrera. Donc moi, je lui dis, oui, oui. Mais dans mon esprit, je me disais, jamais de la vie, ça n'arrivera pas. Donc, je me retrouve dans ma chambre d'hôpital, pas d'envie de pipi, tout va bien, toujours paralysé. Ça fait très bizarre d'ailleurs, hein, parce que ça ne répond plus, quoi. C'est très, très bizarre. À partir, ouais, plan américain, quoi. Exactement. en dessous du bassin, je ne sentais plus rien, quoi. Et puis là, tout à coup, une envie de pipi qui s'immisce. Oh, merde. Et traître. Non, mais c'est-à-dire que tu sens rien, mais t'as envie de pisser, quoi. Il y a l'envie de pisser, ouais, quoi. Même, tu la sens, ça. Et je l'ai senti. Tu l'as bien senti, et ça. Hein. C'est devenu une telle souffrance. Parce qu'en fait, tu peux pas relâcher tes sphincters. Tu peux dire, tu contrôles plus rien. Ah oui, du tout, quoi. Du coup, tu te pisses dessus. Donc ça s'accumule. Ouais. Non, en fait, ça s'accumule dans la vessie. Parce que ah le sphincter ne s'ouvre plus. Ah putain, tu peux pas. Ouais. Tu peux pas pisser. Et donc, j'ai ressenti une douleur. En fait, si à ce moment-là, le génie de la lampe était apparu et m'avait proposé de réaliser un vœu, j'aurais dit, laisse-moi pisser. Mais vraiment, je te jure. Laisse-moi pisser, mais parce que j'avais tellement, tellement horrible, c'est horrible. L'envie de pisser, c'est le mais pire là, truc du monde. Là, ça pouvait pas sortir. Quitte à choisir un vœu, laisse-moi pisser sur quelqu'un de sympa ou enfin toi, quelqu'un que t'aimes pas trop. Sur l'infirmière de quand t'étais petit, qui d'ailleurs, je pense, a fait en sorte qu'elle t'a esquinté le dos et c'est ça qui fait que la péridurale n'a pas marché. Possible. C'est ma théorie. J'appuie sur le truc, j'appelle l'infirmière. Et parce que là, j'allais tomber dans les pommes. C'était insoutenable. Oh, t'es quand même un peu empoté. L'infirmière arrive et autant quand elle m'avait parlé de d'infiltration, je sais même pas si c'est le terme exact, hein, mais bref, intubé. Enfin non, intubé ou non, c'est pas ça. Mais il y a un truc. Il y a un mot. Et je me voyais mal. Bon, et là, la nana arrive dans la chambre. Et j'ai directement viré le drap. Et du genre, tape tout là quoi, vas-y. Et là, t'avais une gueule de ouf. Et donc, la nana me fout ce tuyau dans l'urètre. Ouais. Stylé. La douleur était tellement intense que c'était un soulagement en fait quoi. T'en as vu des seringues là, quand même. Ah ouais. Donc là, je fais pipi. Ouais. Et après, il a fallu retirer le truc. Ah. Et ça, c'est un des pires souvenirs. C'est un mec qui me l'a fait. Donc le mec arrive. Et je lui dis. Attends. Et le truc, c'est que forcément, tu contractes. Il t'a regardé droit dans les yeux. Parce que c'est en train de revenir, tu vois. Donc, je pouvais un petit peu gérer les muscles. Et tu contractes machinalement le truc. Ouais. Et du coup, le tube. Voilà. Il restait bloqué. Bah ouais, enfin, tu vois, dès que je contractais, ça restait un peu. Ah, donc, il fallait pas qu'il tire trop fort. Et puis, finalement, il a réussi à sortir le truc. Petit à petit, t'as détendu. Et tout s'est passé très bien, voilà. Et je sentais que tu voulais rebondir. Non, alors, c'est une anecdote qui ne m'est pas arrivée à moi, mais ça m'y a fait penser. C'est arrivé à un pote à moi. Qui, si ça compte, pardon, non, moi je suis là depuis plus longtemps que toi, mon pote. Hein. Mon pote en gros a un jour trouvé du sang dans ses urines, ce qui est jamais bon signe, non. Et ce qui indique généralement un problème au rein. Ah. Et donc il va voir un médecin et son médecin lui dit il faut que vous alliez voir un néphrologue. Un néphrologue, c'est un médecin spécialisé dans les problèmes des reins. Donc il dit, vous appelez le centre hospitalier machin truc et vous demandez un rendez-vous avec un néphrologue. Donc mon pote appelle, il dit, oui bonjour, je vous appelle parce que voilà, je dois prendre un rendez-vous avec un néphrologue. Et donc c'est la standardiste qui est au téléphone, qui n'a pas, enfin voilà, c'est pas un médecin quoi. Et elle lui dit, non attendez, c'est pourquoi quels sont vos symptômes quoi. Il dit, j'ai trouvé du sang dans mes urines. Elle fait, ah non, mais c'est un urologue qu'il faut aller voir. Et il fait... Ouais, mais moi j'ai vu un médecin et il m'a dit d'aller voir un néphrologue. Elle fait ouais, non, mais c'est pas normal parce que c'est un urologue normalement. Il fait ouais, mais vraiment j'ai vu un médecin et tout. Elle fait ouais, mais quand même, je vous mets un rendez-vous avec un néphrologue, mais quand même, je vous mets un rendez-vous avec un urologue aussi quand même. Donc mon pote fait ok, au moins j'aurai mon rendez-vous quoi. Et le rendez-vous chez l'urologue était avant celui de chez le néphrologue. Donc mon pote va à son rendez-vous chez l'urologue et l'urologue lui dit bah c'est un néphrologue. C'est bizarre, pourquoi vous venez, parce que là d'après ce que vous me décrivez, c'est plutôt un néphrologue qu'il faut aller voir. Bah, il fait bah ouais c'est ce qu'on m'a dit et tout. Et le mec fait bon bah écoutez, je vais quand même vous, et donc du coup pas intubé et tout, donc il dit bah écoutez, je vais quand même vous faire maintenant que vous êtes là et tout. Et donc il sort un tuyau, mais il m'a dit c'est pas un petit tuyau quoi, c'est vraiment c'est au moins deux fois plus... Moi il m'a décrit un truc qui est ouais deux fois au moins deux fois une paille du McDo quoi. En termes de diamètre, donc c'est vraiment Ils foutent de la vaseline, hein, je précise, parce que ça, bah, c'est pas assez... Et mon pote me l'a décrit comme le pire truc qui lui était jamais arrivé quoi. C'est-à-dire que le mec essayait de lui mettre la paille dans l'urètre et il avait ses mains qui spontanément se mettaient, et le mec fait ah non, enlevez vos bras, parce que ça se contractait directement. Il disait ah mais c'est un réflexe et tout. Il lui fout un putain de tube dans la tub, machin, pire expérience de sa vie. Il retire le tuyau, il fait oui bon bah effectivement ça ne servait à rien, vous venez voir. Allez voir un néphrologue, superbe. Donc, et parce que une standardiste a dit non connasse. attendez quand même, allez voir. Magnifique. Allez vous faire prendre un bon tube dans la. C'est comme leur taf quoi. une petite paille de McDo. J'ai bien aimé. Est-ce que du coup tu bois toujours des Coca au McDo? Non, c'est terminé. Je vais t'arrêter. Bah écoutez, je pense que c'est la fin de ce podcast. Hein, déjà fait... ouais. On n'a pas du tout traité le sujet, dis donc. On n'a pas du coup, moi, non, mais c'était un très bon sujet. Le sujet était les trucs un petit peu compliqués à l'hôpital. Ouais, c'est ça, oui. Voilà, et il y a eu encore de très jolies anecdotes. Écoutez, merci à tous à d'être venus. Je rappelle les différentes petites actus parce que ça fait toujours plaisir. Aude Gonigoubert, tous les jours. Du lundi au vendredi. Sur Comédie Plus. Oh, la petite chaîne de l'humour. La grosse émission. Avec également donc du théâtre très bientôt. Oui. Voilà. C'est un podcast, c'est cool, c'est que les gens peuvent revenir au début. Et puis en plus, allez sur ma page Facebook, comme ça vous aurez toutes les actualités. Comment elle essaye de gratter du like. David Fontao, un chien. Oui. Et une petite grippe, accessoirement. Une grosse grippe, oui, là, vous pouvez pas avoir ma gueule, mais j'ai une bonne tête de grippé, là. Non, mais voilà, Ayam un chien. Et tu bosses aussi en tant que monteur, je crois. Je monte, je réalise aussi, ouais. Tu réalises, voilà, des vidéos de Bagel, entre autres, et aussi tes propres projets. Exact, j'ai plein de trucs en solo qui sont très cool et qui arrivent aussi, des projets, des trucs. Patrick, donc la BD. Je crois que ça va passer par Adrien. Non, jamais, il a rien à dire. Si, c'est en losange. Alors, Patrick. Nouveau format. En fin de semaine prochaine. C'est ça, nouveau format, toujours BD. Le tome 3 de la BD sort à la fin de l'année. Ah oui, le tome 3, il y a un tome 3 déjà. Le tome 3 sort à la fin de l'année. Excusez-moi, est-ce que c'est une exclu ou un scoop? Oui, on peut le dire comme ça. C'est bof un scoop, parce qu'on a aussi un jiggle, bof un scoop. Hein. Ouais, allons-y, bof un scoop. Bof le scoop. C'est un scoop. Bof scoop. Aïe. Alors, pourquoi bof un scoop? Parce que les volumes 1 et 2 sont sortis à chaque fois au mois de novembre des deux années précédentes. Pour les fêtes de Noël. Donc les gens s'attendaient à ce que le troisième sorte, donc il sort. Et il y aura aussi un bouquin que je suis en train de terminer, que je dois rendre à la fin du mois d'avril, et donc je stresse un petit peu parce que les deadlines, et voilà. Ouais. Et ce sera un bouquin qui sortira vers le mois d'octobre ou le mois de novembre, sur les merveilles méconnues de la planète. Génial. Voilà. Et est-ce que j'imagine que tu figures dedans, Patrick? Oh, joli. Bah non, parce qu'il est pas méconnu. Exact. Oh là là, vous êtes trop mignon. Non, juste un petit mot pour nos amis auditeurs belges qui potentiellement nous écoutent, bien sûr. Et voilà, et on leur fait un petit big up parce que voilà, la semaine a dû être un peu compliquée. Tout à fait. Et voilà, et donc voilà, j'ai reçu un très joli message sur mon Facebook qui m'a fait très plaisir. Donc voilà, c'est pour ça que j'en place une petite. Quoi, comme message D'un auditeur belge qui m'a envoyé un très joli message que la pudeur m'empêche de dire en direct, mais qui m'a fait très plaisir. La personne se reconnaîtra. On vous embrasse. Plein d'amour pour les Belges. On vous embrasse très très fort. Et voilà, moi j'étais allé en Belgique l'an dernier, et c'est vraiment pour le BIF, Festival international, je crois, du film fantastique, qui est gardé cette année. Les Belges ont réussi à maintenir le festival. Donc n'hésitez pas à y aller si vous passez par. par Bruxelles. C'est un très très bon festival. Et du coup, voilà, j'étais allé voir des films fantastiques chelous l'an dernier là-bas. Et le public belge est vraiment... Moi, j'étais jamais allé en Belgique. Ils sont vraiment des gens extrêmement drôles, extrêmement accueillants, extrêmement chaleureux. Donc voilà, on leur fait des gros bisous et on leur souhaite beaucoup de courage. Voilà. Yes. Et s'il y a des gens qui nous écoutent dans Cara aussi, parce qu'il y a eu aussi des événements horribles dont on parle pas. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, ou au Yémen et tout ça. Mais partout, tous c'est... les pays où c'est aussi la merde. En fait, voilà, disons, bien pire, mais sinon dans les pays où c'est la merde, à savoir à peu près tous, et bien voilà, on vous fait des gros bisous et on espère que ça va quand même aller. Voilà, bah écoutez, merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir, bisous, merci. Ciao tout le monde, bye, ciao.